57, bonne matinée, bienvenue si vous nous rejoignez à l'écoute de Skyrock avec le replay de D-Fool qui se termine à l'instant, mais D-Fool débarque en live, en vrai de vrai, avec toute l'équipe là, Romano et D-Fool avec toute l'équipe comme chaque matin pour vous accompagner entre 6h et 9h, le morning sur Skyrock de ce jeudi 1er septembre. Ça démarre juste après un point sur l'actu, le sport et la météo avec Rémi. Salut Rémi. Salut Mehdi, salut à tous. Et encore du soleil sur la majorité du pays en cette rentrée des classes. Quelques nuages discrets de la Bretagne à la frontière belge sur l'Atlantique et les Pyrénées. Les températures en hausse ce matin entre 19 et 23 degrés jusqu'à 29 là dès ce matin à Perpignan, de 25 à 34 cet après-midi. Et puis la pollution avec des indices compris entre 4 et 6, 6 à Montpellier, Nice et Besançon. La boule au ventre pour certains, l'excitation pour les autres, ou tout simplement un jour qui ne changera pas vraiment la face du monde. Chacun vit sa rentrée comme il le souhaite, mais c'est tout de même un jeudi bien particulier. 12 millions d'élèves reviennent à l'école après 2 mois de vacances. Ils vont rejoindre les 860 000 enseignants qui se sont affairés à tout préparer hier. Une rentrée marquée bien évidemment par la réforme du collège et les nouveaux programmes du CP à la 3e. Le risque d'attentat aussi qui est également dans les têtes. Bernard Cazeneuve a tenu à rassurer hier en reparlant des mesures prises pour la sécurité. 3000 réservistes seront mobilisés. François Hollande, de son côté, est attendu pour cette rentrée ce matin à Orléans. Bonne rentrée à tous les concernés. Un enseignant qui tente de s'immoler par le feu, ça s'est passé hier dans la salle des profs d'un lycée près de Rouen, en Seine-Maritime. L'individu s'est aspergé de gasoil et comptait se transformer en torche humaine à l'aide d'un briquet. Il a été sauvé in extremis par un de ses collègues qui passait par là. On ignore les motivations de son geste. Une altercation avec le proviseur de son établissement aurait eu lieu peu de temps auparavant. Emmanuel Macron, qui continue d'occuper la place médiatique après sa démission du gouvernement, il se confie ce matin dans les pages du quotidien Ouest France. Pas de candidature en vue, mais une porte ouverte. L'ex-banquier affirme qu'il prendra sa décision en temps voulu. Manuel Valls, hier en déplacement à Évry, dans l'Essonne, n'a pas manqué de le critiquer. Le chef du gouvernement a tout simplement dit qu'il avait, lui, un principe de base, à savoir la loyauté. François Hollande estime qu'on ne peut rien faire tout seul. Selon un sondage, seulement 47% des Français souhaitent voir Emmanuel Macron se présenter à la présidentielle. Des nouvelles de Chris Brown, qui, je vous le rappelle, est accusé par une ex-reine de beauté de l'avoir menacé avec une arme. Comme on l'a dit hier, la justice américaine prend l'affaire très au sérieux. Le chanteur américain a dû payer une caution XXL là, pour rester libre. C'est l'info donnée par le greffe du tribunal de Los Angeles. La star a versé 250 000 dollars et son avocat continue d'affirmer qu'il n'a rien à se reprocher. Puis la fin du mercato, c'était cette nuit à minuit. Ça a bien bougé là, mais on retiendra 4 infos capitales. La première, on en parlait hier, c'est l'arrivée de Super Mario à Nice. Énorme coup pour les Aiglons qui s'offrent les services de Balotelli, qui a passé hier sa visite médicale. L'Italien avait été acheté 25 millions par Liverpool, mais n'a inscrit qu'un seul petit but en 20 matchs la saison dernière. On n'y croyait pas finalement, ça s'est fait très rapidement. David Luiz est de retour chez les Blues. L'ancien Parisien quitte la capitale pour Chelsea. Il s'est engagé pour 3 ans et le transfert tourne autour des 40 millions d'euros, alors que Blaise Matuidi reste à Paris. Moussa Sissoko ne jouera pas en D2 anglaise, on est rassuré. Son club Newcastle a été relégué, il souhaite en partir. C'est chose faite puisqu'il s'est engagé avec Tottenham. Enfin, du côté de Marseille, Engie est arrivé, ça on le sait. Et la Sana Diarra, au final, ne quittera pas la Canebière. Très bien, merci beaucoup pour les infos. En tout cas, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. La Sana Diarra. Ça peut encore bouger, mais bon, normalement. Ça peut encore bouger, peut-être fin septembre, avec. On en parlait hier soir, un petit tour aux Émirats Arabes Unis. Ouais. C'est ça, ouais. À voir. À voir. Merci Rémi pour les infos. On est le jeudi 1er septembre. Et ben c'est la rentrée. Ah bah là, c'est la vraie rentrée aujourd'hui. Allez hop. Allez hop, debout tout le monde. Il est 6h01 sur Sky. C'est la rentrée du morning et toute l'équipe est déjà opérationnelle. D-Fool, celui que tous les profs aimeraient avoir comme élève. Hello. Hello, see. See, I phone you for the announce. Ou pas. Romano, le meilleur à l'oral. Cédric, le premier en géographie. L'océan Méditerranée. Et Cariole, la plus forte en tout. Bonne rentrée avec le morning de D-Fool sur Skyrock. The morning show. Et bonne rentrée, bon réveil à vous. Il est 6h01, presque 6h02. Vous êtes sur Skyrock, on se réveille ensemble. C'est le morning, bonjour toute l'équipe. Bonjour, bonjour. Salut bonjour. Romano, salut Cédric, ouais, ouais. Salut Cariole. Bonjour. Salut Sam, salut les réseaux sociaux. Salut hashtag morning de D-Fool. Salut Steven, salut Boulanger. Ah, le Boulanger du 5-9 est avec nous. Bonjour, il nous demande comment ça va ce matin. Ah bah ça va bien, ça va bien. Ça va bien, oui, nous on a fait notre rentrée lundi. Donc pour la rentrée, ça y est, c'est géré hein. Bon courage à tous ceux qui se réveillent et qui vont faire leur rentrée aujourd'hui. Et bah bienvenue sur Skyrock. Vous savez qu'il va se passer plein de choses ce matin. On va parler football avec notre invité mystère. C'est lui, notre invité mystère. Bonjour à tous, bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour à tous. Bonjour à tous. Et je dirais même bonjour à toutes, bonjour à toutes également. Salut l'invité mystère. Ça va ? Ça va, ça va, ça va. Vous l'avez reconnu, c'est qui c'est, non ? Non. Un footballeur qui va jouer ce soir. T'es sûr que tu vas bien ? Oui, je vais bien, en pleine forme. Un footballeur qui va jouer ce soir, qu'on va suivre ce soir dans la Radio Libre. contre l'Italie. Un réveil très difficile. Non, moi ça va. Ouais, ça va. Un réveil un peu... Ouais, pas facile de se réveiller à 6h de... Ah, ça c'est pas mon Grizzly ça. C'est... Ah non, Romano. Non, il te le dit, c'est pas ton Grizzly, c'est Pogboom. Pogba. Ah, Pogba, ah, oui, bah oui, oui, pas le Pogba, ouais. Pogboom, c'est son surnom, parce qu'il fait boum quand il tire avec son pied. Ouais, c'est bah, ça. Écoute, il a pas trop fait boum au niveau de l'euro. Non, ça a pas fait très boum. On espère qu'il va se rattraper. De France, pour le moment, ça a pas fait super boum. On espère qu'il va se rattraper maintenant. C'est vrai qu'il aurait pu faire un meilleur euro. Mais c'est reparti, on oublie tout et on remet les compteurs à zéro ce soir. Match amical contre l'Italie. Et semaine prochaine, je crois que c'est mardi, hein, c'est ça, Rémi, mardi prochain. Contre la Biélorussie. Et oui, contre la Biélorussie. Et ça, ça sera un match officiel. Hein. Ouais. Match de qualification pour le mondial. Pour qu'on aille en Russie chez Vladimir Poutine. Ça fait vraiment rêver. Ah, la Russie, c'est clair. Vladimir Poutine aussi. Comme alors, il est beau. Paul Pogba, tu le trouves beau. Paul Pogba. Ah non, tu parles de Poutine. Ah bah oui. Ah ouais, il est beaucoup plus beau. Paul Pogba, retrouvé dans un instant, sera pour le réveil de star. Vous le savez, si vous ne savez pas encore et que vous faites votre premier réveil avec le morning, tous les matins à 6h10, une star vient réveiller les familles. Et bien ce matin, c'est Paul Pogba. J'aimerais bien te faire réveiller par Paul Pogba, c'est la classe. Enfin, tu dis à tes potes, ouais, il y a Paul Pogba, il est venu me réveiller. Ouais. On a fait une partie de foot. Tes potes, ils te pour un gros mytho, tu sais. Oui, et bien avec Skyrock, tout est possible, Romano. Ouais, ouais, les familles vont être gâtées. Les familles vont être gâtées, je peux même te l'annoncer. C'est la famille de Patrice qui va être gâtée. Patrice va être réveillé par Paul Pogba. Patrice va parler avec Paul. Ouais, magnifique. Bon, réveil de star à retrouver tout à l'heure à 6h20. On va jouer ensemble, on jouera à l'invité mystère. Ah, je vous poserai une petite question sur les gars et les filles que vous trouvez les plus nuls à la télé. Ça va être pas facile à trouver, on va vous poser une question. On va vous demander quelle est la star télé que vous trouvez la plus nulle à la télé. C'est qui pour vous? Vous pouvez même répondre dès maintenant. On lance le sondage maintenant. Dans toutes les émissions, genre ça peut être candidat de télé-réalité. On va faire présentateur. Ah, présentateur. Quel est le présentateur ou la présentatrice? Oui. Ouais, ouais, les deux, parce que à Skyrock, filles, garçons, tout le monde est à égalité. Quel est le présentateur télé ou la présentatrice télé la plus nulle pour vous? Ça sera notre invité mystère. À 7h20, on a fait une petite sélection, mais alors complètement au pif. Hein. Ouais, on s'est réunis entre nous, on a dit, bah, lui, il est très nul. Voilà, et vos réponses au 41-759. La journaliste de M6, vous nous dites, mais laquelle journaliste de M6? C'est Marie qui nous envoie le message. Mais il y en a plusieurs, ouais. Ah bah oui, il y en a quelques-uns quand même. S'ils ne sont pas 36 sur M6, il y en a quelques-uns. Alors, vous nous dites Laurent Ruquier, Benjamin Castaldi. Allez-y, envoyez tout ça. On a les 10 minutes, un quart d'heure, mais un petit quart d'heure pour répondre à cette question. Et on fera un petit point tout à l'heure. Jean-Luc Reichmann nous dit Blue. Crevette du 93 nous dit Arthur. Nagui, il y en a pour tous les goûts. Hein. Il y a Kekinho qui nous dit Nagui. Ouais, il y a Guillaume qui dit Alexandra Sublet. Alexandra Sublet pour Guillaume. Reichmann encore pour Jules. Beaugrand, ah, le présentateur de Secret Story. Ah ouais, c'est qui Karine Galli? Gab. Karine Galli. C'est la fille sur l'équipe 21. La fille sur l'équipe 21. Ouais, mais dites des chaînes connues parce que bon. Mais Romano, tu regardes pas l'équipe 21. Non, mais d'accord, mais tiens, dis-moi l'animateur de l'équipe 21. Karine Galli. Eh ben voilà. Eh ben voilà. C'est une brave Karine. Eh ben voilà. Arthur pour Mel. Nikos. Il y a même des gens qu'on aime bien. Nikos, il est gentil, tout le temps avec nous. Martial est nul. Ouais, mais j'ai parlé d'animateur télé. J'ai pas dit animateur télé RJ12. Voilà. Bon, vos réponses, allez-y. C'est donc sur le 41-759 et l'appli Skyrock. D'ailleurs, notez bien ces numéros. Ça vous servira tout au long de la matinée. Et puis, j'ai pas parlé du plus important, les 1 500 € qui sont à gagner toutes les demi-heures. Ah ouais. Eh ouais, 1 500 € à gagner toutes les demi-heures. C'est facile. On vous appelle, on vous demande quelle est votre radio préférée. Eh ben Skyrock. Écoutez, bien c'était sûr. Hier matin. C'est la radio Anaïs au téléphone. On t'appelle pour t'offrir 1 500 € ce matin. Skyrock. C'est alors, la mode. Hein. Vous répondez avant que je pose la question cette année. Ça me vexe. C'est pas possible. Alors Anaïs, quelle est ta radio préférée? Skyrock. Eh bien, tu viens de gagner 1 500 € Anaïs. Bravo. 1 500 € pour toi, Anaïs, ce matin en direct sur Skyrock. C'est trop bien. Et Anaïs qui a failli nous faire un malaise hier matin. Ouais. Ah ouais, 1 500 € à gagner, ce sera à 6h30, à 7h, à 7h30, à 8h, à 8h30. Toutes les demi-heures, 1 500 € pour vous. Et d'ailleurs, profitez-en pour vous inscrire. Hein. Vous avez une demi-heure avant le premier rendez-vous. 7-20-20, vous envoyez 1 500 et vous gagnerez peut-être 1 500 €. Tout simplement. C'est pour vous. Tout à l'heure, hier, on a eu une gagnante des 1 500 € qui a gagné mardi. C'est Nadège. On l'a eu au téléphone dans la radio libre. Elle était encore contente, elle ne se remettait pas. Elle était heureuse, mais heureuse. Bah elle s'était inscrite sur le 7-20-20. 7-20-20, vous envoyez 1 500. Et on vous appelle peut-être dans une demi-heure. Allez, c'est parti. Du gros son pour se réveiller. Robin Thicke. avec Pharrell. On écoutera les 21 Pilots. Ouais, 21 Pilots. Aussi, Pilots, comme les stylos. C'est pour ça que j'ai choisi ce son. Je me suis dit, la rentrée, les stylos, super. Et puis, pour démarrer, Calvin Harris, c'est Rihanna. Rihanna, elle est en concert avec Sky. Elle avait choisi Skyrock, la première radio urbaine mondiale. Bisous, Riri. Kisses, Riri. Merci pour la traduction, Romano. Non, mais de rien. This is what you came for. Petite traduction, s'il te plaît. This is what you came for. Bravo. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Skyrock avec This Is What You Came For. Il est 6h11, bon réveil et bonne journée avec le morning. On a lancé un grand sondage dès 6h, eh oui, dès 6h du matin, on est au taquet, nous. Dès 6h, le sondage a été lancé. Quelle est la star télé, la présentateur et la ou la présentatrice que vous trouvez le ou la plus nulle? Romano, t'as pas donné de réponse. C'est qui tu trouves le plus nul ou la plus nulle? Pas facile de choisir, hein. Il y a eu plein de messages que vous avez laissés depuis tout à l'heure. Vous dites Sébastien Follin, t'as déjà oublié qu'il existait Sébastien Follin. Patrick Sébastien revient. Oh, c'est revient génial. Ah bah c'est génial. Ah Cantelou, c'est qui dit Cantelou? C'est Tiffaine, elle aime pas Cantelou. Tiffaine, 21 ans. Arthur, insupportable. Arthur, il est pas mal hein, dans le classement. Hein. Non mais l'aimez pas. Je fais des imitations. Mais hein, tu l'imites bien, ouais. Bah, oui. Excusez-moi, j'ai pris un coup de froid avec la clim. Non. Alors, Stéphane Bern. Ah, Stéphane Bern. Ah. Ouais, bon, après. Stéphane Bern. Moi, je l'aime bien. Lui. Alors, c'est. Il y a pire, quoi. C'est qui le pire pour toi? Oui, parce qu'il nous faut le pire, celui que vous supportez pas à la télé. Bah, l'autre, Martial. Mais en même temps, je regarde pas, quoi. Les peu de fois que je regarde, il m'énerve, mais. Donc, toi, tu mettrais Martial. C'est devenu une star, hein, en étant ouais, encore regardé par 40 000 personnes. Star. Une star. Non, mais il est regardé parce qu'ils ont enlevé ça, cette partie-là. Qu'est-ce qu'ils ont enlevé? Ils en ont déjà enlevé un bout du Mad Mag, là. L'émission de Martial s'est supprimée déjà. Ouais, ils en ont enlevé une partie. Mais ça a commencé lundi. Ouais, bah non, mais ils enlèvent une partie, remplace par je sais plus quoi. Souris, je me marie. Voilà. Ah ouais. Ça change tous les deux jours. Il se passe des trucs à la télé, c'est quand même un truc de dingue. Ouais, ouais, ouais. Bon, alors vous nous laissez tout ça, et puis dans un instant, on découvrira un invité mystère. Celui que. Sinon, il y a Tex, il est con, mais il me fait rire. J'ai des messages sur Tex, il y en a qui supportent pas Tex. Ah bah tu vois. Non, mais des fois, il fait des vieilles blagues, mais bon. Tiens, la petite Joconde. Claqué sur des marrons, quoi. La petite Joconde a dit Tex. Ouais, bon, ouais, ouais. Eh bien, un invité mystère à découvrir, c'est dans. Allez, dans 5 minutes. On va jouer ensemble, on va mettre en jeu un iPhone 6S, votre iPhone 6S. Et il faudra nous dire qui est l'invité mystère. Mais avant ça, eh ben, c'est l'heure du réveil de Star, la star. Je vous l'ai annoncé. C'est Paul Pogba, Pogboum. Oui. Oui, qu'est-ce qu'il fait? Alors, les stars réveillent la France. Je sais pas qui vous êtes. C'est le réveil de Star sur Skyrock. Qu'est-ce qu'il sait? Hein, qu'est-ce qu'il sait? Qu'elle a dit la dame? Ouais, je sais pas qu'est-ce qu'il sait. Hein. Bah alors, qu'est-ce qu'il sait, dis donc? Voici Paul Pogba tout de suite. Paul Pogba qui va réveiller les familles de France. Bonjour à tous, bonjour à tous. Bonjour Polo. Tiens, tout à l'heure, dans une heure, vous y faites penser, on fera un petit pronostic pour le match de ce soir. Ouais. Donc, on suivra le match Italie-France. Match amical, mais contre l'Italie, c'est jamais amical, hein, attention. Hein. En plus, il vient d'Italie, il vient de Turin, Paul Pogba. Ouais, c'est vrai. Il vient de Turin. Et maintenant, il est à Manchester. Et non, Romano, il est sur Skyrock. Oui, mais il est aussi à Manchester. Hein. Oui, mais non, mais là, mais ce matin, là, maintenant, tout de suite. Sur son salaire, je préfère autant que ce soit Manchester qui le paye que Skyrock. Ouais, sinon, on serait plus payé, je crois. Ouais. Paul Pogba, qu'on va retrouver tout de suite. Paul Pogba qui réveille la famille de Patrick, réveil de star sur Skyrock tous les matins. Aux alentours de 6h10 à 6h14 même ce matin. Écoutons Polo et allô Patrice. Ah, la femme à Patrice. Bonjour à tous, bonjour à tous. Bonjour. Ça va? Oui. T'es sûr que tu vas bien? Si, c'est qui? Pogba World. C'est quoi ces conneries là? Oula. Je vous accueille dans ma fabuleuse chambre. Non, ça va aller, merci. Un réveil très difficile, oui. Oui, et qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Je suis en équipe de France aujourd'hui. Oui, bien sûr. Et puis moi, je suis la reine d'Angleterre aussi. C'est ça. Pourquoi pas? Ouais, bien sûr. Moi, c'est un plaisir de jouer pour l'équipe de France. Oui, France-Italie. Comme on dit toujours, on va chercher la victoire. Oui, bah forcément. Hein, c'est tout ce qu'on veut. Hein. S'imposer chez nous, faire jouer notre football et prendre du plaisir toujours. Ben l'important c'est de justement de participer, de comme vous dites de prendre du plaisir. Voilà, on a toujours besoin du public. En plus là on joue chez nous, donc on a besoin d'eux et qui nous aident à remporter ces matchs. Allez les bleus. Oula, ça me fait plaisir. Ouais, bien sûr. J'étais fan de Zidane, Ronaldinho. Ronaldo, parce que j'étais plus offensif. Oui, mais je suis content de le savoir, on s'en fout en même temps. Mais nous aussi on était fans de Zizou, de Didier Deschamps, tout ça. Arrête, Leïla, s'il te plaît. Ça me fait rire, pas moi, parce que depuis que vous appelez, ben, vous n'arrêtez pas de faire les andouilles. Objectif atteint. Mon fils, il demande si vous n'êtes pas de Skyrock, des fois. Non. Non? Hein, on va aller dans le bain froid, tu vas te reposer parce que t'as perdu. Hein? Ah merde! Bon ben tant pis. Allez vous le prendre, moi je suis pyjama, donc je peux pas aller le prendre. Moi je suis pyjama. Vamos! Bisous! C'était un plaisir. À bientôt! À bientôt! Et à très bientôt. Et c'était Skyrock, ouais, mais elle nous a reconnus. Le fils nous a reconnus derrière. Ouais. Oui, la mère absolument pas, elle continuait de parler. Oui, la maman, oui, t'es tranquille la maman. Hein. Ah, y a une fille, depuis que je vous dis au téléphone, il faut les andouilles. Voilà, bah, et oui, ça fait les andouilles. Paul Pogba qui a réveillé donc la femme à Patrice. C'est ça. C'est bien une femme. Hein. Ouais. Très bien, on salue la femme à Patrice et la famille de la femme à Patrice qui se réveille a priori avec Skyrock, c'est plaisir. On va leur offrir un petit cadeau quand même. Ben oui. Ah, il mérite. Merci Polo, Paul Pogboum qui nous a rejoint ce matin. Tu as vu, il y a Romano, il est mignon. Hein. Oui, il est tout chaud. Ben il oui, y a Cédric aussi. T'es nul, t'as été nul. Pourquoi je suis nul? Bah, je sais pas. Ça, il te connaît, tiens. T'es nul. Bah, merci. Eh, bah non, mais t'as raison, Paul. Voilà, Paul Pogba, la pioche. C'est son surnom. Oui, c'est la pioche, oui. Paul Pogboum. C'est son nom. Aussi. Eh ben, on le retrouvera dans la matinée et dans une heure. Nouveau réveil de star avec Polo, Paul Pogba, et dans un instant, l'invité mystère arrive après Robin Thicke sur Skyrock et Pharrell Williams. Ouais. Ah, c'est bien ça, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas entendu. Oh, oh, oh. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Blurred Lines. Et l'iPhone 6S pour vous. Un invité mystère, une des stars télé les plus horribles que vous avez citées d'ailleurs. Si vous avez écouté l'émission depuis 6 heures, elle est dans celle que je vous ai citée là. Pharrell Williams sur ce morceau, on écoutait Blurred Lines. Ça fait du bien ça dès le réveil. 6h21, c'est l'heure de découvrir l'invité mystère. Alors on vous a lancé un défi ce matin. Nous donner le nom de l'animateur télé que vous trouvez le plus nul, ou l'animatrice télé que vous trouvez le plus nul, ou celui que vous supportez pas en général. Hein. Ah mais il y en a un deuxième. Ah alors il y en a un deuxième, vas-y Romano, j'écoute. Bah il y a une que j'aime pas trop, c'est Alessandra Sublet. T'aimes pas trop Alessandra Sublet? Elle m'énerve tout en train de rire elle... avec ses dents de cheval là. Mais elle a le droit de rire Romano. Mais elle a le droit de rigoler la pauvre. Mais, ouais mais elle m'énerve. Bon, lui que vous avez classé numéro 1, je crois que c'est Arthur hein, dans vos messages. Ouais. Ouais ouais. Et eh, ouais Arthur. Mais c'est pas gentil. Oui Castaldi, mais il fait plus rien ce gars. Si on va faire Il va me faire touche pas à mon poste chroniqueur. Et tout le monde fait touche pas à mon poste chroniqueur. Non mais c'est surtout que le mec c'est le nouveau métier. Qu'est-ce que tu fais à la télé? Bon, je fais touche pas à mon poste chroniqueur. Non, surtout que Sadi il a quand même changé d'avis du tout au tout. Parce qu'il y a 6 mois, le mec t'es en train de chier sur Hanouna en disant c'est vrai. Moi jamais je serai chroniqueur. Soit je le remplace, mais jamais je ne serai chroniqueur. Et ben il le remplacera pas. 6 mois après, le mec bon bah finalement je suis chroniqueur. Voilà, il le remplace pas et en plus il est chroniqueur. Mathieu Delormont nous dit, t'as c'est vrai qu'il y a un paquet de gars qui bossent à la télé. Il est chroniqueur lui aussi. Cyril Hanouna était cité par Arnaud. Eh bien notre invité mystère maintenant est un de ceux que vous avez cités depuis 6 heures, mais c'est pas Cyril Hanouna. Écoutez bien notre invité mystère à découvrir. Eh ben ouais, parce que ça va vous permettre de gagner votre téléphone, l'iPhone 6S à gagner au 41-759 pour nous envoyer vos réponses. N'oubliez pas votre numéro. Ou alors sur l'appli Skyrock, ou alors avec... on me demandait si le net ça marchait avec le Skyrock FM. Oui. Oui. Écoutez bien l'invité mystère. Très drôle, une petite blague de l'invité mystère. Katia, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis chargée de planning. Vous êtes chargée de planning? Et c'est lourd? J'avais dit, c'est voilà, tu vois. Voilà, c'était tellement que c'est con, en fait, des fois, t'arrives même à rigoler. C'est moi qui l'ai choisi. Ah ben voilà. Oui, oui, avec Sam des réseaux sociaux, on a choisi notre invité mystère. Il est sympa, hein. Ah ouais, non, mais. Vous voulez une autre blague? Allez, alors, c'est l'homme qui parle, c'est pas la candidate. Qui sait, vous envoyez vos messages pendant ce temps. N'attendez pas, allez-y, on prend le premier ou la première pour l'iPhone 6S. La couleur habituelle de votre rouge à lèvres? Oui. Rouge. Ah non, c'était à lèvres. Top. Ah ouais, il est dangereux. Ah ouais, il est dangereux. Alors la dernière, elle va te plaire, Romano, dernière blague. Médaille d'or, médaille d'argent, et en poussant un peu, hop, la médaille de bronze. Tu vois, ça va être marrant. Hein. T'en veux d'autres des blagues? Ouais, bah, on va peut-être pas toutes d'un coup. Non, on va faire une petite sélection. Pas abuser. Dans un instant, une petite sélection spéciale pour Romano et notre invité mystère qui arrive. Bon, attends, pour Romano, ça reste, mec, c'est pas mon idole. Mais si, il l'adore, il l'adore. On doit faire à peu près la même taille. Vous voyez, tous les goûts sont de la nature. Moi, je casserai ma télé quand je vois le type. Romano. Attends, même là, tu rigoles. Mytho, mais ouais, parce qu'il est tellement nul. Non mais c'est ça le concept. Bon allez, dans un instant la réponse et votre téléphone à choper, les 21 Pilots avec Ride à écouter. Maître Gims fait sa rentrée sur Skyrock. Sky. Gagne tes places toute la journée pour voir Maître Gims en concert Skyrock dans toute la France. Maître Gims dans toute la France avec Skyrock. C'est trop bien. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Écoute Skyrock à tout moment. On voit Roulette au 7-20-20 et Skyrock t'envoie sur la tournée de Maître Gims avec 200 places à gagner. Super, merci beaucoup. Skyrock. Premier sur Maître Gims. 65 centimes plus coup d'un SMS. T'as du clitoris, j'aime bien. Divine, une femme, Dounia, en quête de pouvoir et de réussite. Money, money, money. Avec sa meilleure amie, elle décide de suivre les traces de Rebecca, une dealeuse respectée. Depuis quand tu te fais pour une daronne, toi? Divine, un film de Ouda Benyamina, caméra d'or à Cannes. Oh, mais je préfère qu'elle aille au supermarché. Mercredi au ciné avec Skyrock. Tu veux rencontrer la fille de tes rêves? C'est facile. Tu peux te mettre au sport, développer des techniques de drague. Bonsoir. Et aller dans tous les cafés de la ville. Ou tu peux tout simplement télécharger Smax, rester toi-même et rencontrer des nanas qui te plaisent près de chez toi. Smax, S-M-A-X. Mécanique résurrection. Non. Arthur Bishop. Profession. Tueur à gage. Méthode. Faire passer ses contrats pour des accidents. Statut. Retirer des affaires. Et amoureux. Jason Statham reprend du service. Pour sauver celle qu'il aime. Il a très peu de temps. Tu as 36 heures. Sinon c'est moi qui les vois éliminer. Jason Statham. Jessica Alba. Tommy Lee Jones. Mécanique résurrection. Actuellement au cinéma. Avec Skyrock. 6h-9h. The morning show. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun. I'm on my ride. That's easy to say. We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But there don't seem to see many bullets coming through. Too many bullets coming through, metaphorically I'm the man. But literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignored them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. I'm on my ride. I'm on my ride. Ride sur Sky, c'était bien. Ah bah c'est pas fini, excusez-moi, mais c'était bien quand même. Hein. Mais toi, tu vois, pilot. Fini. 6h29, l'invité mystère. Check, check. Dès 6h. C'est le début, oui. Ils sont déjà en pleine forme. C'est les conneries à la radio, ça. C'est le morning de Difool sur Skyrock. Il est 6h29 et c'est donc l'heure de retrouver l'invité mystère. On a Martin de Saint-Etienne qui te téléphone avec nous. Salut Martin. Salut. Salut. Alors Martin, je vais te faire choisir la blague de l'invité mystère que t'as préférée. Tu préfères laquelle? La blague du chargé de planning, la blague de la médaille de bronze ou la blague du rouge à lèvres? Allez, choisis. La médaille de bronze. La médaille de bronze. Allez, pour le plaisir. La plus classe. Écoutez notre invité mystère, présentateur télé. Médaille d'or, médaille d'argent et en poussant un peu, hop, la médaille de bronze. Alors, qui est donc l'invité mystère ce matin à 6h29? C'est Tex. Eh oui, amours. Tex, le présentateur des amours. Eh oui. Eh oui. Eh oui, on l'a choisi encore. Hein. On l'a choisi complètement arbitrairement comme un des animateurs les plus nuls de la télé. Mais qu'est-ce qu'il est drôle, par contre. Ah. Hein, qu'est-ce qu'il est drôle. Ah, je peux pas le virer. Et, toi non plus. Ah, moi non plus, pareil. Et qu'est-ce qu'il a une belle voix. En plus, moi, je l'ai vu en interview, le mec se prend pour Coluche. Hein. Ah ouais, quand ah même, ouais. Ouais, non, mais pas poussé non plus. Non, mais pour de vrai, il s'est compris. Ah oui, ouais. Salut, c'est Tex. Bonjour. Ça va, Romano? Ouais, ça va, ça va. Bien joué, Martin. Donc, t'as 24 ans en plus, t'es stéphanois, dis donc. Ah bah, représente, il faut le représenter. Eh bien, on t'offre tout de suite ton iPhone 6S, il est gagné. Ah, putain, merci, il est pour toi. Merci, merci. Bravo, merci, bravo. Merci, bravo. Cool. Tu vois, allez, ça vaut le coup de se lever tôt. Hein. Ah bah, je pars pour bosser en fait. Donc, qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi, Martin? Je suis infirmier au bloc opératoire. Ah, très bien. Tu bosses à quel hôpital à Saint-Étienne? Clinique mutualiste. La clinique mutualiste de Saint-Étienne. Ouais, bien, on salue tous ceux qui bossent dans le médical. Et ça bah, peut merci. Être utile. Ouais. Tu n'as pas une adresse dans un hôpital psychiatrique pour carriole? Le Vinatier, c'est pas mal vers Lyon. Ah, le Vinatier. Je vais te reprendre en antenne, je vais noter. Je note. Ça peut servir. Allez, tiens, pour fêter ton iPhone, on va écouter nous deux blagues de texte. Ah, tu veux des blagues, Romano? Bah attends, quand même. Ah, attention. Voici donc Tex. Mets la musique des amours, j'adore. Allez, hop. Voilà. Tac, tam, tac, tam, tac. Moi, j'aime bien, moi. Oui, bah écoutez. Bah, tu me donneras vraiment l'adresse de l'hôpital, hein, Martin. Ouais, s'il te plaît. Attention, voici la blague du lapin. Elle est super. Excuse-moi, c'est la première fois qu'on fait l'amour ensemble, mais tu fais l'amour comme un lapin. Oh, bon, les gens, t'es gonflé. Je vois pas comment tu peux juger un mec en 15 secondes. Oui, celle-là, bon, là, c'est le bide. C'est le bide. Non, mais elles sont toutes comme ça. Vous voulez la blague du moustique? Oui. Allez, vas-y. La blague du moustique. Le moustique, c'est comme les Parisiens. On ne les voit pas de l'hiver. Ils oui. viennent nous emmerder l'été. Oui. Et ils parlent tellement qu'ils nous réveillent pendant la sieste. Non, les rires sont rajoutés. Voilà. Hein, oui, ça, oui, je, oui, oui. Je vous précise. Oui, parce que Tex. Bah, tu vois, autant je préférais les premières, moi. Il a une blague, une chaîne de télé qui s'appelle Blague à Tex. Ah, Blague à Tex. Oui, oui, sur YouTube. Il a un truc, Blague à Tex. Donc tous les jours, vous avez une blague plus pourrie que celle de la veille. Et il en est capable. Il a beaucoup d'abonnés? Non. Non, bah, bah non, mais non, attends. Non, mais on sait jamais. Là, on va dire, il a un humour un peu particulier, c'est un peu haut de gamme, vous comprenez? C'est quand même texte. Allez, et pour vous faire plaisir, moi, celle que j'ai préférée, la chargée de planning. Allez, oui. Katia, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis chargée de planning. Vous êtes chargée de planning? Et c'est lourd? C'est la voix, et c'est lourd! Et voilà, ouais. Bon, bah, pour, voilà, on en fera d'autres des animateurs nuls à la télé, on a vu qu'il y avait de la, il y avait du lourd, hein. Ah, il y a de la matière. Donc, ah ouais. Voilà, l'animateur nul de la matinée, c'était Tex. Bravo, Martin. Bonne chance. Merci beaucoup. Bonne journée, Martin. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Dans un instant, 1 500 € à gagner. Ah, premier rendez-vous avec les 1 500 €. Si vous êtes inscrit au 720, vous avez augmenté vos chances de gagner. Sinon, tout le monde peut gagner. Ouais. Il suffit de répondre Skyrock. Dès qu'on vous appelle et qu'on vous demande quelle est votre radio préférée, Skyrock. Et c'est 1 500 € dans la poche. J'espère que c'est ce qui va se passer dans un instant. 1 500 € pour vous. Juste après le point sur l'actu avec Rémi, qu'on va retrouver tout de suite. Et puis juste avant, DJ Snake et Justin Bieber. C'est un des sons qu'on écoutera ce matin. On se fera un petit Ken Jones aussi. Et Jules. À retrouver avant 7h du matin. Bon, 6h33, la météo du jour, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, encore du soleil sur la majorité du pays en cette rentrée des classes. Quelques nuages très discrets de la Bretagne à la frontière belge sur l'Atlantique et les Pyrénées. Les températures en hausse ce matin entre 17 et 23 degrés, 17 à Paris, mais jusqu'à 29 à Perpignan, de 25 à 34 cet après-midi. Et puis la pollution avec des indices compris entre 4 et 6, 6 à Montpellier, Nice et Besançon. Et le point sur l'actu, comme promis l'actu, et le sport, on va parler de transfert. La cloche qui va retentir ce matin à 8h30 pour la première fois depuis deux mois, c'est la rentrée pour 12 millions d'élèves. Fini les grasses matinées, retour des choses sérieuses. Une rentrée marquée par pas mal de changements. Entre la réforme du collège, les nouveaux programmes du CP à la 3e, la pratique de l'anglais commence désormais au CP, non plus au CE1. Et la deuxième langue vivante s'apprendra dès la 5e au lieu de la 4e. Et les collégiens verront une nouvelle matière débarquer, à savoir EPI pour enseignement pratique interdisciplinaire. Il sera décliné en 8 thèmes, de la sécurité à la culture, en passant par la citoyenneté, le monde économique et la société. Des nouveautés qui font bondir les syndicats, vent debout contre la réforme depuis des mois. Un appel à la grève a déjà été lancé pour jeudi prochain. Un homme tué par balle hier après-midi à Marseille, c'est le 4e dans les Bouches-du-Rhône, rien que pour le mois d'août. La victime garait sa moto et a été la cible d'un individu qui a pris la fuite. Les pompiers sont rapidement arrivés sur place, mais les blessures étaient trop graves. L'homme d'une 40aine d'années a été abattu sous les yeux de son fils. Situation très tendue au Gabon après la réélection du président Bongo. La capitale Libreville s'embrase. L'Assemblée nationale a été incendié. Le QG de l'opposant Jean Ping aurait été pris pour cible. Difficile d'avoir des infos, mais les heurts auraient déjà fait deux morts. La victoire du président sortant se joue à moins de 6000 voix d'écart. La France et l'Union Européenne se disent préoccupées et demandent la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. Des nouvelles de Chris Brown qui, vous le savez, est accusé par une ex-reine de beauté de l'avoir menacé avec une arme. Comme on l'a dit hier, la justice américaine ne rigole pas. Elle prend les choses très très au sérieux. Le chanteur américain a dû payer une énorme caution pour rester libre. C'est l'info donnée par le greffe du tribunal de Los Angeles. La star a versé 250 000 dollars et son avocat continue d'affirmer qu'il n'a rien à se reprocher. Fuck you. D'accord. Chris Brown, il est dans le même état qu'hier. Ouais, ouais, je vois. Bon, le point sur le sport, on parle foot avec, entre autres, Raphaël Varane. Ouais, qui se confie une blessure à l'éloignée des terrains pendant l'Euro. C'est donc avec la grinta et une pleine motivation que Raphaël Varane fait son retour en bleu ce soir. Il endossera le brassard de capitaine en l'absence d'Hugo Lloris. Le défenseur du Real Madrid assure que les Bleus ont digéré leur titre de vice-champion de France et qu'ils sont résolument tournés vers le Mondial 2018. Concernant l'équipe, il estime qu'elle est encore en train de mûrir avec beaucoup de potentiel. Il est persuadé que tout le monde a bien travaillé, que les hommes de Deschamps sont prêts physiquement. On aura un premier aperçu ce soir en match amical contre l'Italie. Allez les Bleus, rendez-vous à 21h pour le coup d'envoi dans la Radio Libre. Et puis le Mercato, oh bah, maintenant ou à 7h, comme tu veux. Bon, on peut annoncer David Luiz. On peut annoncer David Luiz qui part à Chelsea. Allez, David Luiz, c'était ça discutait un petit peu. Finalement, il quitte la capitale et il rejoint Chelsea. S'est engagé pour 3 ans. Et puis l'autre grosse info, on va plus se développer à 7h, c'est bien évidemment Mario Balotelli qui donc arrive du côté de Nice. Il y a un truc rigolo, c'est quand vous écoutez les chaînes info et qu'ils essayent de dire Mario Balotelli. Alors c'est Balestrello, Fabio Banotini. Et c'est donc, pas si facile, toi tu parles couramment italien, mais attention. Oui, enfin bon, Balotelli c'est quand même leur boulot. Hein. Oui. Mario Balotelli, oui. Il y a une journaliste de Canal Plus aussi qui a eu du mal, qui l'appelait Mario Telli. Mario Telli. Elle fait une contraction. Ouais, elle vaut bien un bout. Ouais, c'est ça. Bon, c'est Balotelli. Et il sera à Nice, beaucoup pour les Niçois encore. Ah oui. Allez, on repart du transfert tout à l'heure à 7h. Il est 6h36 sur Skyrock. Le morning de Difool, 3h de déconne en direct tous les matins sur Skyrock. The morning show. Et oui, le morning, et je me suis laissé dire ce matin que tu allais devenir professeur. Oui, professeur. Ouais. Pour la rentrée des classes. Bonne rentrée d'ailleurs, hein, si vous réveillez avec Skyrock et que vous faites votre rentrée aujourd'hui. Ah oui, bon courage. On vous salue et on vous souhaite bon courage. Oui. Et vous habiteriez en Chine, bah là-bas il y a une matière, il y a des cours de drague qui existent. Et tu vas devenir professeur de drague. Ouais, c'est ça, ouais. Tu fais ça parce que t'as gagné hier le clash par 76%. C'est ça, et j'ai gagné aussi celui de lundi à 83%. C'est ça, oui. Donc tu vas donner des cours de drague. Ouais, parce qu'en Chine, une université de Tianjin, dans la banlieue de Pékin, organise cette année des cours de drague pour tous les étudiants et toutes les étudiantes. Vous imaginez si vous allez à l'université un jour, vous allez à la fac. Ouais, qu'est-ce que t'as ce matin comme matière? Bon, bah j'ai drague. Et a priori, c'est une option, il y a quand même 800 élèves qui se sont inscrits. Hein. Ah ouais, quand même. Ah ouais, ouais, ouais. Ah non, mais ils sont chauds, les Chinois. Hein, pipi, en béton. Cours de drague, comment gagner de l'argent avec les conseils pas chers. Ah oui, c'est nouveau, si vous vous réveillez pour la première fois de l'année sur Skyrock. Les conseils pas chers, c'est à 6h40 tous les matins. Tout à l'heure, dans une demi-heure, on parlait foot, on retrouvera Pogba pour le réveil de star. Juste après 7h, nouveau réveil de star avec Paul Pogba. Et avant 7h du matin, je vous l'annonce, si vous faites votre rentrée aujourd'hui, le sondage du jour concernera la rentrée, mais on a l'occasion d'en reparler. Hein. Oui. Et puis votre horoscope de l'amour qui arrive. Et à 6h38, du son DJ Snake tout de suite. C'est bien ça. Hein. Et on ne fait pas gagner 1500 euros. Avec Justin Bieber, mais tu as raison Romano, juste après les 1500 euros. Comment gagner 1500 euros en moins d'une seconde? Skyrock. En répondant Skyrock. Morning show. Tu vois, t'es pratique, dès qu'il s'agit d'argent, t'oublies rien. Heureusement qu'il est là, vous avez vu. 1500 euros à gagner. Et allez, hop, ouverture de l'enveloppe. Et oui, je l'ai ouverte. Et on file ce matin dans le 92. Si vous nous écoutez dans le 92, les Hauts-de-Seine, vous allez peut-être gagner 1500 euros en direct sur Skyrock. On file à Nanterre, capitale du 92. C'est ça. Chez la famille Moreau, c'est Stéphane Moreau qui a été tiré au sort. Si Stéphane répond Skyrock, c'est 1500 euros pour lui. Et c'est comme ça toutes les demi-heures, tous les matins, jusqu'à demain. On verra la semaine prochaine ce qu'on fait. 1500 euros à gagner chez Stéphane Moreau. Cédric, tu peux appeler? Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié de lancer le top. Alors Cédric, tu peux appeler? Bah ça appelle là, normalement. Ah bah là, grave là, bah, attends, attendez, sonnerie là. La preuve? Stéphane. Voilà, ah bah Stéphane. Ah, on est sur le répondeur. Ah merde, attends, ça sonne, j'ai rappelé. Ah, c'est pour ça que c'était long alors. T'as rappelé? Allez, vas-y, rappelle. Eh bien. Stéphane Moreau, on lui laisse une deuxième chance parce que c'est la rentrée. Allô, allô. Allô. Monsieur Moreau. Oui. Stéphane. Oui. T'es dans ton lit. Oui. C'est bien, comme ça tu ne tomberas pas. Ou si tu tombes, tu tomberas couché. Voilà. Stéphane, on est en direct à la radio ce matin. Et on t'appelle, oui. Et on t'appelle pour t'offrir 1500 euros. C'est sérieux? Sérieux, tout le temps très sérieux. Ah sérieux, voilà, on rigole plus. Bon, je prends ma voix sérieuse. Stéphane, quelle est ta radio préférée? Je sais pas, c'est que téléphone. Ah bah si je te donne la réponse, tu vas pas pouvoir gagner 1500 euros. Parce qu'en fait c'est un jeu Stéphane. On prend des numéros comme ça, un peu à hasard, partout. Et genre c'est Skyrock. Tu vois, alors attends, on va refaire ça bien. Ta radio préférée c'est... Genre c'est Skyrock. Genre c'est Skyrock, mais je crois que genre c'est bon. Hein. Ah bah genre c'est gagné. Eh bah c'est gagné, 1500 euros Stéphane. Bravo Stéphane, bravo. On a bien fait de te rappeler. Eh oui, tu sais qu'on t'a appelé, on est tombé sur ton répondeur. Et Cédric gentiment s'est dit, allez, on va le rappeler. Eh ben il a bien fait, tu viens de gagner 1500 euros en direct Stéphane. Bravo Stéphane. Bravo. J'y crois pas mais ok. J'y crois pas mais ok, tu fais quoi dans la vie? Si, il faut y croire Stéphane, on est en direct. Tu fais quoi dans la vie Stéphane? Moi je suis monteur. T'es monteur? Oui. Tu montes quoi? Des lignes. Ah, dis fou lui démonte des femmes. Oui. Chacun son métier, hein, tu vois. Il faut ce qu'on peut. Hein. Il faut tout. Ah, ouais, t'as raison. Monte, bah, écoute, monte bien, j'imagine que tu vas bosser aujourd'hui. C'est la rentrée, je vais faire rentrer mon petit. Ah ouais, tu vas emmener le petit à l'école. Il a quel âge, le petit? Il a 3 ans. Il a 3 ans. Ah, c'est sa première rentrée. Ouais. Ah, il va pleurer. Ah ouais, ça va pleurer. Ah, bah, ça il va fait pleurer. Ah, il perd aussi. Il va pleurer. Tu sais que Romano, lors de sa première rentrée, avait pleuré, mais toutes les larmes de son corps. Bah non, mais j'avais vu tous les petits pleurer, je pleurais aussi. Voilà, il faisait comme tout le monde. Ouais, Steph. Vous faites les cons, c'est sérieux là, c'est Skyrock. Ah bah oui, c'est Skyrock. Ah ouais, c'est sérieux. Bon, branche-toi sur la radio. Bah oui. Et tu vas voir. On va écouter, tiens, DJ Snake tout de suite. Et puis les 1500 euros. Non, c'est vrai, ils sont là. Le chèque est là, on va te l'envoyer à la maison. 1500 euros, direction Nanterre. Pour toi, Steph, on te souhaite une bonne journée. Bisous, petit. Et bonne rentrée alors. Et bonne rentrée. Et, merci. Et console-le quand il va pleurer. Hein. Ouais, c'est dingue, quand t'es parent, tu fais ta première rentrée, tu sais tout de suite que ça va être une journée difficile. T'as le gosse qui va pleurer à 8h. Ah bah, pour un peu, Steph, il va pleurer aussi. Hein. Tu vas pleurer, Steph? Il y a des chances, ouais. Il va verser la petite larme. Bon, bonne journée, bon 1500 euros. Profite bien et raccroche pas, Steph. Ouais, ça marche, merci les gars. Salut à toi. Ciao, ciao. Et 1500 euros, première fois de la matinée, pas la dernière. On recommence dans une demi-heure. Vous répondez Skyrock et c'est dans la poche. Le morning de Default sur Skyrock. Le morning qui fait. Tu le réveilles. I used to believe. were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Et Justin Bieber sur ce son, c'était Let Me Love You sur Skyrock. Il est 6h45, c'est l'heure des conseils pas chers. Alors, prof de drague, ça existe? Prof de drague, oui, c'est en Chine. C'est en Chine, oui. L'université très fameuse de Tianjin, dans la banlieue de Pékin, va proposer à la rentrée ses étudiants des cours de drague. 800 étudiants se sont déjà inscrits. Qu'est-ce qu'ils apprennent? La théorie et pratique de la relation amoureuse. Ah oui. Alors, aux garçons, ils apprennent quoi? À être galant. Ah d'accord, c'est sympa. Par exemple, à table, il faut servir la fille en premier, ton petit soin, ouvrir la porte. Et les filles doivent être féminines et surtout séductrices. Oh, mini-jupe, hein. On les incite à se passer la main dans les cheveux, à regarder le garçon droit dans les yeux. Genre faire regard de chaudasse et tout. Oui, non mais attention, faut pas les transformer en pupute non plus, hein. Et utiliser le langage corporel au maximum. Ah ouais, donc ils sont chauds les Chinois, ouais. Oh, Didi, on est très tôt. Oui, le prof est un pervers. Oui, passe-toi la main dans les cheveux. Ah oui, regarde-moi, oui, comme une chaudasse. Vas-y, fais le langage corporel avec ton corps. Vas-y, cambre-toi. Donc ce matin, les conseils pas chers, c'est des conseils pas chers. Cours de drague. Cours de drague à domicile. Je donne des cours à l'homme, à la femme. Tout est possible. Est-ce que ça va marcher? Bah, on tente le coup tout de suite à 6h46 sur Skyrock. C'est parti. À la maternelle, il carottait déjà des couches. En primaire, des Pokémon. Je laisserai pas me voler mes Pokémon. Au collège, des portables. Au lycée, des capotes. Et aujourd'hui, la France entière. Oui, oui. Romano, le roi des escrocs. Tu veux qu'elle appelle les flics? Non, peut-être pas encore, attendez un peu madame. Allez, c'est parti, on appelle qui Cédric? Non, on va chez Yannick. Allez, on fait le test en direct parce que Romano il a des idées. Mais les idées on les teste. Ah bah oui. Et puis juste après, on va parler de ce qui stresse pour la rentrée. Et oui, pour fêter cette rentrée, c'est aujourd'hui, 1er septembre, ouais. C'est le grand jour. Ouais, le grand jour. Attention, chez, t'as dit c'est qui? Yannick. Yannick, voilà. Allô? Allô. Bonjour, c'est Yannick. Oui. Oui, bonjour, comment tu vas? Je te réveille? Non, pas du tout. Oui, ta femme est là? J'ai pas de femme. Ah, t'as pas de femme? Ah bah ça tombe bien, je t'appelais, je suis professeur de drague. Et je voulais te donner quelques conseils, parce que je t'ai croisé dans la rue, déjà au niveau du look, ça ne va pas du tout. Hein. Donc ce matin, je vais venir te relooker, et après je vais t'apprendre à draguer la femme. Parce que hier, moi, tu sais que j'ai gagné mon clash de la drague à plus de 70%. Allez, c'est bon. Si, il a gagné 70%. Ah, c'est bon, ouais. Si. Yannick. Oui. Je peux venir me glisser dans ton lit ce matin? Pour t'apprendre le langage corporel de ton corps. Non, ouais, c'est ça, ouais. Comme ça, tu vas te cambrer sur le lit et je vais m'occuper de toi après. Romano, tu vas te passer la main dans les cheveux ou pas? Ouais, non, ça, je vais galérer, moi. Pourquoi? Mais ce que je t'ai il demandé de faire des réflexions à la con. Non, parce que je regardais la liste de ce qu'ils apprenaient. En effet, ils apprennent aux filles à se passer la main dans les cheveux. Ouais, mais moi, je suis un garçon, donc je vais pas passer la main dans les cheveux. Oh, oui, c'est vrai, j'oubliais. Romano n'a pas de cheveux en plus. Si, mais en reste. Ouais, non. Bah si, autour j'en ai plein, j'en ai autant que vous. Autour, si, c'est au-dessus que sa mère. Ah oui, sa mère, ouais, ça c'est sûr. Bon, le cours de drague, on en fait un deuxième alors. Allez, Joël. Joël. Oui. Ouais, comment tu vas? Ça va. Ça va, ça va. Bon, au d'ivoire, je t'appelais là, je voulais donner un petit cours de drague à toi et à ta femme. Vous apprendre un peu à draguer, tu vois, la femme. Joël, je comprends rien toi. Non, mais... je comprends rien. Non, mais ça, j'avais bien remarqué. Bon, Joël, je vais venir chez toi, là. Dans 5-10 minutes. Et je vais t'apprendre le langage corporel du corps. Il faudrait que tu te passes la main dans les cheveux et que tu te passes la langue sur les lèvres pour m'exciter un peu. Si tu en as des cheveux et une langue, hein. Non, Joël. C'est marrant, chaque fois que je parle, il raccroche. Ouais, mais c'est ça, mais quoi. T'as pas le fluide, ça. Mais je suis pas prof de drague, moi non plus. Bah, ça, on a bien remarqué. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les Chinois sont marrants, hein. Ils ont des cours de drague dans leurs universités. Peut-être bientôt en France, on sait jamais, hein. Ouais. Bah, c'est toujours mieux qu'un cours de maths, hein. Ouais, en tout cas, ça fait plaisir à Doberman qui nous a laissé un message. Qui dit, bah, ce serait mieux que les cours que je vais avoir ce matin. J'ai que de la merde. Mais comment tu peux savoir ce que t'as? Ah oui, parce que c'est vrai qu'il y en a qui ont reçu, vous disiez ça hier soir. Il y en a qui ont reçu leur emploi du temps déjà sur le net. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, tu sais déjà dans laquelle classe tu vas être, avec qui tu vas être. Et qu'est-ce que tu vas faire ce matin? Et ton emploi du temps de merde. Je sais pas, j'aimerais bien avoir, je sais pas, 2 heures de maths ce matin et 2 heures de physique. Ah ouais, cool. Et 4 heures de philo après. Et 4 heures de philo dans l'après-midi, ouais, ça serait pas mal, ouais, c'est histoire vrai. Histoire vraiment de te finir. Quoi. Histoire de t'achever le premier jour. On va parler rentrée. Dites-nous ce qui vous stresse pour la rentrée. On a le sondage du jour. On a demandé aux Français ce qui les stressait pour leur rentrée des classes. Ouais. Et bien, vous saurez tout. Vous allez voir si vous êtes comme les Français. Allez-y. Sur le 41-759 et sur l'appli Skyrock, vous nous dites qu'est-ce qui vous stresse pour votre rentrée ou qu'est-ce qui vous stresse. Si vous êtes plus au bahut, hein. Le jour de votre rentrée, moi j'ai 2-3 idées. Hein. C'était le stress total, je détestais les rentrées. Bon courage, heureusement vous réveillez avec Skyrock et on a du bon son dans un instant. Ken Jones à écouter dans une minute, l'horoscope de l'amour. Attention, nouvel événement Bouygues Télécom. Je t'écoute. En ce moment, la Bibox Miami est à 14,99€ par mois pendant un an, au lieu de 26,99€. 14,99€. Avec 170 chaînes TV, oui. Plus le replay, oui. Plus 5000 films en VOD. Mais attends, tu vas un peu vite, j'ai pas eu le temps de noter. Normal, c'est du haut débit. Chez Bouygues Télécom, la Bibox Miami est à 14,99€ par mois pendant un an, au lieu de 26,99€. Appelez gratuitement le 3106. Location box 3€ par mois, engagement 12 mois, offre soumise à conditions et éligibilité. Leclerc. Ça, c'est un bon plan. La tablette MP Man 8 Go avec un super écran et 2 caméras à moins de 50€ chez Leclerc. Du 30 août au 3 septembre, le très bon plan Leclerc, c'est la tablette MP Man de 8 Go à 49,90€, dont 30 centimes d'éco-participation. Inutile de résister, une tablette comme ça, à ce prix-là. C'est que chez Leclerc. Et c'est l'heure de l'horoscope sur Skyrock, l'horoscope de l'amour. Vas-tu avoir une bonne note ce matin? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. L'horoscope de ce jeudi 1er septembre. Comment on va démarrer le mois de septembre? Je vous dis tout, les Sagittaires et les Cancers, vous démarrez avec une note de 0 sur 5. Voilà, vous êtes servi. Célibataire, ne soyez pas trop secret, mettez-vous un petit peu plus en avant, sinon on ne vous remarquera pas. Et en couple, votre partenaire prendra un petit peu ses distances aujourd'hui. Mais pas de panique, c'est pour mieux revenir vers vous ensuite. Soulagé. 1 sur 5, les Vierges et les Scorpions, ne vous mêlez surtout pas des embrouilles sentimentales des autres aujourd'hui, sinon ça risque de vous retomber dessus. 2 sur 5. C'est pour les Lions et les Verseaux. Ne dépensez pas trop pour plaire en ce jeudi. Comptez sur moi. Ah oui, t'es là, t'es Verseau. Oui, donc 2 sur 5, ça te va, Romain. Ouais, ça va, ouais. 3 sur 5, les Béliers, les Balances. On cherchera votre compagnie aujourd'hui, profitez-en. 4 sur 5, les Gémeaux et les Poissons. Votre confiance en vous vous rendra très attirant et très attirante aujourd'hui. Et accentuera encore votre charme, dites donc. Et 5 sur 5, les Taureaux et les Capricornes. Comme toi, dit Foul. En effet, Romano, tu m'interromps, mais tu as bien raison de le signaler. Les Taureaux et les Capricornes sont les deux signes de terre. Et pourtant, le 7e ciel vous attend aujourd'hui. Waouh!

excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé, j'ai pris un coup de clim, hein, ça je vous le dis. Un coup de clim dans la gueule. Coup de clim, c'est mon nez, trop sensible à ce genre de choses. Peut-être trop gros, non? Non, sensible, Romano, pas trop gros. Ouais, ouais. Paul Pogba arrive, c'est le réveil de star du jour. Paul Pogba réveille les Français, ce sera à 7h10. 7h10 tous les matins, une star réveille la France. À 7h20, on jouera Info Mytho, vous offrira vos iPhone 6S. Ouais. Et avant ça, on a évidemment 1 500 € à vous offrir. Inscrivez-vous au 7-20-20 si vous voulez augmenter vos chances de gagner. Il faut envoyer 1 500 au 7-20-20. Facile, et puis sinon, on tire au sort parmi les numéros que vous nous avez envoyés. Ou alors, parmi l'annuaire, c'est l'huissier qui décide. Et on salue Stéphane qui a une demi-heure au réveil dans son lit, sans rien faire, a gagné 1 500 €, enfin sans rien faire ou presque, il a répondu Skyrock. Ouais. Et c'est bon, c'est gagné. C'est gagné, ben, c'est peut-être ce qui va se passer dans un instant. Il est 7h02 sur Sky. Bonne rentrée à vous, si c'est le cas. Bonne journée à tout le monde et beau soleil pour presque tout le monde aujourd'hui. C'est la météo, Rémi. Ouais, c'est vrai, carrément du soleil quasiment partout. Quelques nuages, mais très discrets quand même. Hein. L'impression de beau temps sera là en Bretagne, de la Bretagne à la frontière belge, sur l'Atlantique et les Pyrénées. Les températures, elles sont en hausse ce matin, comprises entre 17 et 23 degrés. 17 à Paris et 29 déjà à Perpignan, de 25 à 34 dans l'après-midi. Et puis la pollution avec des indices compris entre 4 et 6, 6 à Montpellier, Nice et Besançon. Et le point sur l'actu et le sport tout de suite. Et le stress qui monte pour certains, l'excitation pour les autres, la boule au ventre ou tout simplement bon, un jour comme les autres. Hein. En tout cas, 12 millions d'élèves reviennent à l'école après 2 mois de vacances. Ils vont rejoindre les 860 000 enseignants qui se sont affairés à tout préparer hier. Une rentrée marquée bien évidemment par la réforme du collège et les nouveaux programmes du CP à la 3e. Le risque d'attentat est également dans les têtes. Bernard Cazeneuve a tenu à rassurer hier en reparlant des mesures prises pour la sécurité. 3000 réservistes seront mobilisés. François Hollande, de son côté, est attendu pour cette rentrée ce matin à Orléans. Un enseignant qui tente de s'immoler par le feu, ça s'est passé hier dans la salle des profs d'un lycée près de Rouen, en Seine-Maritime. L'individu s'est aspergé de gasoil et comptait se transformer en torche humaine à l'aide d'un briquet. Il a été sauvé in extremis par l'un de ses collègues qui passait par là. On ignore ses motivations. Une altercation avec le proviseur de son établissement aurait éclaté un petit peu plus tôt dans la journée. 3 personnes mises en examen après l'assassinat d'un Chinois à Aubervilliers, en région parisienne. Les meurtriers présumés arrêtés il y a 3 jours ont été écroués. La victime avait été agressée en pleine rue début août avant de succomber à ses blessures. Ces agresseurs, dont 2 mineurs, avaient tenté de voler le sac d'un ami avec lequel ils se trouvaient. Plusieurs associations appellent à une manifestation samedi. Il y tient à son mur, Donald Trump. Le candidat républicain à la Maison-Blanche l'a rappelé à l'occasion d'une visite au Mexique. Le milliardaire qui aime montrer les muscles a tout de même eu une petite perte de courage. Il n'a pas évoqué le prix du mur sur place, mais n'a pas manqué d'en parler. Quelques heures plus tard, de retour sur le sol américain, il a affirmé que les Mexicains paieront pour ce fameux mur, mais qu'ils ne le savent pas encore. Mur quand même qui coûte 25 milliards de dollars. Ah quand même, ouais. Ouais, on fait le sport. Ouais. Allez, on va parler d'argent, la fin du mercato et puis de tennis, ça joue à New York. Oui, ça a bien bougé là, mais on retiendra 4 infos capitales. La première, on en parle depuis ce matin, c'est l'arrivée de Super Mario à Nice. Énorme coup pour les Aiglons qui s'offrent les services de Balotelli qui a passé hier sa visite médicale. L'Italien avait été acheté 25 millions d'euros par Liverpool, mais le problème, bah, c'est qu'il a inscrit qu'un seul but en 20 matchs la saison dernière. On espère quand même que ce sera un petit peu mieux avec les Aiglons. Bah oui. On n'y croyait pas finalement, ça s'est fait rapidement. David Luiz est de retour à la maison chez les Blues. L'ancien Parisien quitte la capitale pour Chelsea. Il s'est engagé pour 3 ans. Blaise Matuidi par contre reste à la maison. Moussa Sissoko ne jouera pas en D2 anglaise. Ouf, son club Newcastle a été relégué. Il souhaite en partir, normal. Eh bien c'est chose faite puisqu'il s'est engagé avec Tottenham. Enfin du côté de Marseille, NJ arrive, ça on en a parlé hier. Mais Lassana Diarra au final ne quitte pas la Canebière, tout du moins pour le moment. Pour l'instant. Les Bleus ce soir en match amical contre l'Italie. Rendez-vous pour suivre le match à 21h dans la Radio Libre. Et puis du tennis avec l'US Open de New York. Ça passe pour Monfils et Tsonga, qualifié pour le 3e tour. Fin de parcours en revanche pour Benoît Paire qui s'incline face à Marcos Bagdatis. Merci Rémi pour les infos. La suite tout à l'heure à 7h30. Là il est 7h05. Tiens, on va reparler foot tout de suite. Pogba en réveil de star. Et puis on va parler argent. 1 500 € à gagner. C'est la rentrée du morning. Et toute l'équipe est déjà prête. Anthony. Salut les filles. Est-ce que vous avez des bonne rentrée avec le morning de Default sur Skyrock. Et ouais, bonne rentrée, bon jeudi. Attention, attention, l'enveloppe des 1 500. Mais elle est où mon enveloppe, Romano? Ah, moi j'ai rien, moi je suis complètement innocent. Et sous tes fesses, ça c'est quoi, ce truc qui dépasse? Ah bah oui, mais bon, Cédric qui range les enveloppes n'importe où aussi. Ouais, tiens. Bon, Romano va ouvrir l'enveloppe dans un instant, on va peut-être vous appeler pour les 1 500 €. Pour le match de foot de soir, on avait promis de faire un petit sondage express avec vos réponses au 41-759. Et sur l'appli Skyrock, vous allez nous dire, ah bah tiens, qui va gagner ce soir, la France ou l'Italie? Ou match nul, c'est comme vous voulez. Oh, attention les Italiens, ouais, bah, évidemment, allez les Bleus. Mais non, c'est pas ça que je demande, Cédric. Je demande, est-ce que vous pensez que Je te demande mais pas oui, si tu es pour les Français. Et puis, allez les bleus, ça dépend, on est en quelle couleur nous ce soir? Oui, mais bon, on est. Parce que les Italiens, ils sont bleus aussi. Hein. Oui, c'est bleu aussi. Oui. Bah, on sera blanc, non? Bah, si on joue à l'extérieur, c'est possible. Bah oui. Bon, de toute façon, vous nous dites France ou Italie, comme ça, il n'y a pas de problème de couleur. Vos pronostics, parce qu'on aime bien savoir ce que vous en pensez. Moi, je dis 1-0 pour la France. Vous êtes premier sur le foot, Romano, 1-0 pour la France. Allez, moi, je vais dire un petit 2-1 pour les Français. Pareil pour moi. Ah, je dis comme toi, moi. Pareil ouais, pour Rémi, pareil pour Cédric. Ouais. Pareil. T'as vu Romano, ils font tous comme moi. Non mais t'es un modèle. Oui, t'as vu un peu. Hein. Donc 2-1 pour les Français. Tu t'intéresses au foot, toi, Sam? Ouais. Sam, c'est les réseaux sociaux. Exactement. Hein. Très bien. Exactement. Et alors, tu t'intéresses au foot ou pas? Au foot, ouais, Paris Saint-Germain. Et ce soir. Voilà, encore un qui ne comprend rien. Vous avez vu si, Paris Saint-Germain. Paris. Donc tu demandes France-Italie, on te répond Paris Saint-Germain. Et pour ce soir, je vois un petit 3-0. Pour les Français? Ouais. Ah ouais, quand même. Bon, vos réponses sur le 41-759, France-Italie, si vous voulez mettre un score, vous nous mettez ça. Et on en reparle dans un instant avec le réveil de star de Paul Pogba. À 7h20, info ou mytho. Et avant quand même de donner vos pronostics, il faut quand même que vous sachiez que en attaque, parce qu'on le sait normalement, on aura Giroud, Griezmann et Martial. Et en défense, normalement, Kurzawa qui sera avec Sidibé. Merci Rémi pour cette info footballistique. Bah, c'est important pour ça donner un bon. Il sort des noms. C'est important, mais c'est nos joueurs. Romain. Ouais, non, mais à l'arrière, putain, j'y connaissais pas. Eh ben voilà, tu vois, t'as bien fait, Rémi. Nocibé et Cordoba, là. Mais oui, voilà. Il y a du new. Putain, pour moi, Nocibé, c'est un truc de parfum. Ouais, là, ouais, c'est chelou. Sidibé et Kurzawa. Voilà, bon, allez, Kurzawa, vos réponses tout de suite. Et on en reparle. Bon, on en reparle dans un instant. On vous donne les résultats du sondage express de ce matin. Merci pour vos messages et bonne chance pour les 1500 € tout de suite. Une bonne nouvelle dès le réveil. Non, c'est Skyrock. C'est Skyrock. 1500 € dans ta poche. Oh putain, c'est trop bon. Maintenant. Et oui, maintenant avec l'ouverture de l'enveloppe. Vas-y Romano, tu l'as, tu l'ouvres. Alors, on était à Nanterre il y a une demi-heure. Nanterre dans le 92, oui. Et c'est tombé chez Stéphane. Bravo Stéphane. Eh bien là, nous allons plus dans le sud. Dans le sud-ouest, à Toulouse. Ah oui, c'est le sud-ouest, Toulouse, les Hautes-Pyrénées. Chez une Marie. Marie Joube. Marie Joube ou Joubert. Bah, alors attends Romano, où tu fais bien la lecture des noms ou alors tu ouvres pas les enveloppes hein. Bah c'est Marie, voilà, tu demandes Marie. Marie, Joube ou Joubé. 1500 € pour la famille. Bonjour Monsieur Joube. Monsieur Joubé. Non, vous êtes trompé monsieur, pourquoi tu sonnes maintenant hein? Mais parce que c'est pour un jeu, on est à la radio. Y a pas Marie? Il n'y a pas de marine et rien du tout, vous êtes trompé, monsieur le téléphone. Hein. Bah écoute, c'est pas grave. C'est pas grave. Hein. Ah bah non, c'est pas grave. Mais je vais me faire engueuler, moi, ce matin encore. Ah, ça va pas la tête ou quoi hein. Mais non, mais je t'appelais pour t'offrir 1500 €. Tu veux pas gagner 1500 €? À moi? Oui, bah oui, à toi. Ah, très bien, très bien. Ah, voilà, c'est tout de suite. Tout de suite. Alors, quel est ton prénom? Hein? Ton prénom? Ah, t'en souviens plus. Merde. Ah, merde. Oui. Un petit trou de mémoire comme ça. Ah, vous êtes trompé, monsieur. Oui, oui. Ah, vous êtes trompé, c'est moche comme prénom. Et si je te demande quelle est ta radio préférée, tu me réponds quoi? Hein? Moi, je préférerais la tranquillité. La tranquillité. Très bien. Ah, ben alors, on va la laisser la tranquillité. Bah, on va te laisser tranquille alors. Voilà, très bien. Hein. C'était Skyrock au téléphone, je suis désolé. Excuse-moi. Eh ben non mais c'est pas grave, hein. On t'appelait pour t'offrir 1500 €, t'aurais répondu Skyrock, t'aurais gagné. Ah, gagné quoi? Ben 1500 €. Voilà, c'est ça, c'était le gros lot. Mais je vous ai dit que ce jeu était très compliqué. Ouais, ouais. Répondre Skyrock, gagner 1500 €, c'est pas simple. Bon, on te souhaite une bonne journée, salut à toi. Allez. Oui. Salut Toulouse. Eh bien on était à Toulouse et on continue notre Tour de France dans une demi-heure. Et ouais, toutes les demi-heures, 1500 € à gagner. Inscrivez-vous au 720. Vous envoyez 1500 pour augmenter vos chances de gagner. Bravo la Haute-Garonne, j'ai dit Haute-Pyrénées, oui c'est vrai, vous avez raison. Ah, Haute-Garonne. Ouais, vous avez raison, bravo à vous, je l'ai fait exprès l'erreur. Je veux ma tranquillité. C'est pour voir si vous étiez bien attentif. Bien sûr. Bon, allez, tout tranquille ce matin, c'est Drake, c'est parti, One Dance sur Skyrock. Le morning de Default sur Skyrock. Le morning qui fait. Oh là là là là, le rêve. Dès le réveil. On your ways, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away, OT, OT. There's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Down, I'll take it slow, make you lose control. I need a one dance, got a Hennessy in my head. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Skyrock, la première radio urbaine mondiale avec le son de Drake, le Canadien Drake. On écoutait One Dance et dans un instant, c'est 50 Cent, gros souvenir. Un grand classique de Sky. On va écouter In the Club. In the Club. C'est bien pour entrer in the school, hein. C'est In the Club, quoi. Vous passez dans un instant, juste après le réveil de Star. Et vous pensez que l'équipe de France va gagner ce soir. Merci de me donner les résultats exacts. Numéro 1, les Français, ouais. Ah bah, number 1. Merci de me donner les résultats exacts de ce sondage express. Ah ouais, l'équipe de France va gagner pour 75% d'entre vous. C'est bien. On vous fait des pronostics. Il y a Nasser. Comme Nasser du PSG. Oui, le président, ouais. Ouais, bah, il nous écoute, c'est peut-être lui d'ailleurs. Bah, donne des soutiens. Nasser qui dit la France va gagner 2-0. Il y a Emeline qui nous dit allez les bleus, 1-0 pour les bleus, ça suffit pour être champion. La France gagne à 75%. L'Italie à 14%. Match nul à 11%. Voici pour les résultats du sondage express spécial foot. Je parle de foot parce que maintenant c'est l'heure du réveil de Star. Oui. Oui, qu'est-ce qu'il fait ? Alors, les stars réveillent la France. C'est le réveil de Star sur Skyrock. Ouais, le réveil de Star tous les matins à 6h10, 7h10 et 8h10, il est 7h15. On a 5 minutes de retard, mais il est là quand même, c'est Paul Pogba. Bonjour à tous, bonjour à tous. Bonjour à tous. Salut Polo. Ça va, en pleine forme, Polo. Pas trop difficile le réveil ? Un réveil très difficile. Très difficile. La branche Skyrock, tu vas voir et tu vas danser comme un ouf. Tu vas pouvoir nous faire le Pogba World. Ouais. C'est la danse du Pogba. Paul Pogba qui débarque ce soir dans un pays qu'il connaît bien, l'Italie. Eh oui, il joue là-bas. Et il joue en Italie, il joue à la Juventus de Turin. Là, il débarque à Bari. Le match a lieu à Bari dans les Pouilles. Et c'est France-Italie. Pour fêter France-Italie, on a décidé de mettre Paul Pogba en contact avec les Français. Ouais. On est sympa, hein. Oui, oui. Ouais. Ouais, comme je disais tout à l'heure, moi, j'aimerais bien avoir un petit coup de fil de Paul Pogba. C'est pas pour moi ce matin. C'est pour Patrick, Paul Pogba. La rencontre sur Skyrock. Un petit coup de fil de Polo à Patrick. Allô ? Bonjour à tous. Oui. Ça va ? Vous êtes qui ? Je suis la pioche. Vous fichez du monde ou quoi ? C'est la pioche. Polo, ouais. La pioche. Bonjour à tous. Oui. Ça va ? C'est qui là ? Pogba World. Je te connais pas moi. Je suis la pioche. Ah bon ? Bah t'as une belle tête. Je vous accueille dans ma fabuleuse chambre. Tu veux mon pas sur la gueule ? Non mais dis-toi. Pourquoi pas ? Hein ? Mais t'es assez agressif. Bah oui, c'est pour ça. Ça me fait plaisir. Bah oui, voilà. Je suis un peu timide, là, on va dire. Ouais, bah tu pourrais y être un peu plus. Pourquoi ? Bah si tu as mon poing sur la gueule. vous voulez que je vais déposer plainte à la gendarmerie, voilà, hein ? Ça y est. Voilà. Objectif atteint. Pourquoi vous m'appelez comme ça ? Je suis en équipe de France aujourd'hui. Que ça m'intéresse ? J'étais fan de Zidane. Ça m'intéresse pas. Vous arrêtez parce que sinon moi j'appelle les gendarmes. Voilà. Encore mon rêve qui se réalise. Hein. Et bah ouais. Ah bah vous me laissez tranquille. Voilà. Au revoir. Au revoir. C'était un plaisir. Mais un plaisir. Ah bah oui, ça oui, c'est clair. C'est pas forcément réciproque. Un bon. Plaisir. Elle est super la femme à Patrick. Ah tu vois pourquoi vous m'appelez, j'appelle la police. Voilà, elle direct, elle appelle la police. Ouais. Vas-y, appelle la police, voilà. Dis-lui que t'as Paul Pogba qui t'a appelé ce matin. Ouais, c'est bien, ils vont y croire. Voilà, et puis ces temps-ci, ils ont pas autre chose à faire. Non. Merci la femme à Patrick, elle était super. La femme à Patrick, toute la famille était réunie. Allez, oui. Polo. En Italie, il l'appelle Paul le Poulpe. Parce que parfois, il a des coupes un petit peu bizarres. Ah ouais, c'est vrai que c'est étrange. Oui, c'est étrange. Paul Pogba, ce soir, à suivre, bien évidemment, sur Skyrock, à partir de 21h, dans la Radio Libre. 7h17, allez, dans 3 minutes, on joue ensemble, on met un iPhone 6S en jeu. C'est info ou mytho. C'est info ou mytho qu'on va faire, ouais. Info ou mytho après 50 Cent, comme promis, in the club sur Sky. Go shorty, it's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip a Cardi like it's your birthday. And you know we don't give a fuck, cause that's your birthday. You'll find me in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the eggs, I'm getting to taking drugs. I'm in the having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, you're getting rough. You can find me in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the eggs, I'm getting to taking drugs. I'm in the having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, you're getting rough. When I pull up out front, you see the Benz on dub. When I roll 20 deep, it's 29s in the club. Niggas heard I fuck with Dre, now they wanna show me love. When you sound like Eminem and the hoes, they wanna fuck. But homie, ain't nothing changed, hold down, G's up. I see exhibit in the cut, a nigga roll that weed up. Roll that. Watch how I move, you mistake before I play up here. Been hit with a few shells, but I don't walk with a limp. In the hood, in the LA, they saying 50, you hot. They like me, I want them to love me like they love pop. But holla in New York, the niggas to tell you I'm loco. When the plan is to put the rap game in the choke. Oh, I'm fully focused, man. My money on my mind. Got a meal out the deal, and I'm still on the grind. Now shorty say she feeling my style, she feeling my flow. A girl from what did they buy, and they ready to go. You find me in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the eggs, if you're in to take the drugs. I'm in the having sex, I ain't in the making love. So come give me a hug, if you're in the getting rough. You can find me in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the eggs, if you're in to take the drugs. I'm in the having sex, I ain't in the making love. So come give me a hug, if you're in the getting rough. My flow, my show brought me to go. That brought me all my fancy things. My crib, my cars, my clothes, my jewels. Look, nigga, I done came up and I ain't changed. And you should love it way more than you hate it. Nigga, you mad? I thought that you be happy I made it. I'm that cat by the bar, toasting to the good life. You that faggot ass nigga tryna pull me back, right? My junk get the pumping in the club, it's on. I'm with my eyes, your bitch, if she smash, she gone. Hit the roof on fire, let the motherfucker burn. They're talking about money, homie, I ain't concerned. I'ma tell you what banks told me, cause go ahead, switch the style up. Niggas hate to let them make them, watch the money pile up. Or we can go upside the head with a bottle of bull. They know where we fucking be. You can find me in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the eggs, I'm in the taking drugs. I'm in the having sex, I ain't in the making love. So come give me a hug, if you're in the getting rough. You can find me in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the eggs, I'm in the taking drugs. I'm in the having sex, I ain't in the making love. So come give me a hug, if you're in the getting rough. Don't try to act like you don't know where we be, nigga. I'm in the club all the time, nigga. It's a problem, pop up, nigga. G-Unit. Ça fait du bien, ça. Grand classique de Sky, c'était 50 Cent avec In The Club. À 7h20, c'est Info Mytho. On va jouer ensemble maintenant. 50 In The Club. Et maintenant, une petite, après les États-Unis, un petit tour en Bretagne. Je vais vous donner une info. Vous me dites si c'est vrai ou si c'est faux. Info ou Mytho. Vas-y, mets-moi la musique d'Info ou Mytho. Juste la musique, Romano. Oui, bonjour, bonjour à tous. Voici notre bonjour. Flash Info avec une petite nouvelle de Bretagne ce matin. Une femme, ça va te rendre malade Romano, une femme a trouvé 3000 euros dans les toilettes publiques. Ah oh, putain, la chance. 3000 euros dans les toilettes, elle était allée faire caca. Et oh, miracle, de l'argent dans les toilettes. Honnête, elle les ramène à la mairie. Oh là là. Info ou mytho, vous me dites si c'est vrai ou si c'est faux. C'est la question de sélection, puis après, vous jouerez avec deux des membres de l'équipe. Je vous annonce le nom de nos journalistes, Romano d'un côté, oui. Cédric de l'autre. Ouais. Faudra découvrir le mytho. A gagner l'iPhone 6S. Vous envoyez vite vos messages, tout de suite, tout de suite. Je vous donne le top.

Ouais, le morning et l'info mytho du jour avec une question de sélection que je vous ai donnée il y a un instant. La question une de sélection. Petite info, oui. C'est info ou mytho. Eh oui, eh oui. On a Hélène de Lille en direct avec nous. Salut Hélène. Salut tout le monde. Salut. Salut Hélène. Une jolie voix Hélène, dis donc. Merci. De rien, de rien. Hélène, 27 ans, lilloise, avec la bonne réponse. Alors je racontais une petite histoire, une belle histoire. Une histoire bretonne, ça s'est passé en Bretagne. Une femme a trouvé 3000 euros dans les toilettes publiques. C'est de l'argent sale hein, dans les toilettes. Hein, ah ouais, ouais. Tout de suite. Honnête, elle les a ramenés à la mairie. Oh. Info, bah oui Romano, info ou mytho? C'est une info. Eh ouais, Romano, prends exemple sur les gens honnêtes. D'ailleurs, le maire de la ville a dit « Des gens aussi honnêtes, ça se fait rare. » C'est clair. Ah bah ça. Il est content, monsieur le maire, elle a récupéré 3000 balles. Ouais, mais ils ont retrouvé la dame qui avait les 3000 euros. C'est une Américaine, enfin une personne vivant aux États-Unis qui passe ses vacances chez sa sœur à Banelex, dans cette petite ville du Finistère, qu'ont été retrouvés les 3000 euros. Bah ça va, il doit avoir un peu d'oseille, la dame, pour se trimballer avec 3000 euros en liquide. Tiens, faire un petit tour de table. J'espère qu'elle lui a donné un petit quelque chose, hein, quand même. J'espère aussi, ouais, j'espère que l'Américaine a été généreuse. Hélène, tu trouves 3000 euros dans des toilettes. Tu les gardes ou tu les ramènes à la mairie? Personnellement, je les garde. Oh. Bah oui. Bah, oh, comment ça? Bah oui. Moi aussi. Bah ouais, vous êtes malhonnête. Romano, tu les gardes ou pas? Non mais moi je trouve ça débile de les ramener moi. En réfléchissant un peu, en sachant que la dame a récupéré son argent, tu restes sur la même qui position. Qui dit que c'est à elle? Tu sais la meuf, non, moi, un peu, c'est un escroc. Oh vous êtes grave tiens. Oh là là. Bon allez, on va jouer quand même. T'es donc qualifié, maintenant il faut gagner l'iPhone 6S. Cédric va raconter un truc, Romano aussi. Il y a un des deux qui est un mytho. Tu découvres qui est, c'est l'iPhone 6S, c'est à toi. Info ou mytho? Qui dit vrai? Qui dit faux? À toi de détecter le mytho. Eh ben à toi Hélène, j'espère aussi. Romano, quelle est ton info? Alors, pénurie d'eau potable dans deux villages français. Alors, comment ça s'appelle? À Betz, dans l'Oise, et également le village d'à côté, Villiers-Saint-Genest. Et pourquoi il n'y a plus d'eau? Eh bien, parce qu'il y a le roi du Maroc qui a un château dans la commune de Betz. Ouais. Et en fait, lui consomme toute l'eau, parce qu'il est venu avec 300 personnes. Ah bah, il y a des chevaux qu'il faut faire boire, il a des serres de légumes. En fait, il consomme toute l'eau, donc la mairie a décidé d'amener des citernes d'eau pour les habitants qui sont en galère. Le problème, c'est que l'eau qu'ils amènent, elle est chlorée. Donc, ils ont dit aux habitants, surtout, ne l'abusez pas. Oui, sinon vous tombez malade. Donc, pénurie d'eau dans les deux villages à cause du roi du Maroc, Mohamed VI. Info ou mytho? Écoute bien l'info de Cédric. Et moi, c'est une info qui se passe du côté de Toulouse, en fait. Depuis le 1er août, il y a un gros scandale qui a été créé. En fait, le propriétaire d'un tigre est parti en vacances. Il a laissé son animal dans le jardin et le postier ne pouvait plus passer dans la rue. Eh ben, bien sûr. Bah, si, si. Attends, mais ça c'est évident. Attends. Et ça a créé un gros scandale parce qu'en fait le postier a refusé en fait de distribuer le courrier parce qu'il avait peur de se faire attaquer par le tigre. Bah par un tigre. Ouais. Attends mais c'est sûr. Alors moi je sais que ce un que tigre je d'élevage. Je sais bien. Alors moi j'ai ma petite idée aussi. Un tigre d'élevage. Tu as ta petite idée. Alors donne-nous ta petite idée, Hélène, on va voir si c'est vrai. Moi je pense que l'info vient de Romano. J'aurais dit pareil que toi. Bah t'y crois pas au tigre dans le jardin. Ah bah, mais un tigre d'élevage. Attends, de la qualité. Oui, un tigre d'élevage. C'est comme les poulets d'élevage, c'est pareil, les élèves en batterie, vous savez. Non mais Hélène, t'as raison, t'as gagné. Le roi du Maroc, c'est vrai. Ouais, le roi du Maroc, c'est vrai, ouais. Je suis trop content. Et le tigre, c'est un mytho. Bravo Hélène, tu gagnes ton iPhone 6S. Bravo, bravo. Je suis trop contente, merci. Et un iPhone 6S de plus qui va partir à Lille. Bravo Hélène. Ouais. Merci. On te fait un gros bisou. Merci, gros bisou à tout le monde. Et l'histoire avec le tigre, elle est fausse, mais. Elle est fausse, c'était un chien, ouais. C'était un chien, c'était du côté de Saint-Etienne dans le 42. Ouais, à Saint-Jean-Bonnefonds. J'ai entendu parler de cette histoire, c'est à côté de chez moi. C'est un Doberman, en fait, qu'ils ont laissé dans la cour. Et en fait, la cour, elle donne sur toute l'entrée du quartier. Donc tout le quartier n'a plus de courrier depuis que le Doberman bouffe tous les facteurs. Ouais. Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas de portail. Limite, oui. Ça, quand même. Un chien limite, mais un tigre. Oui, c'est un tigre, oui. Un peu gros. Non, bah, le chien, c'était vrai, le tigre, c'était faux. Le maire s'est déplacé carrément. Bravo Hélène. C'est l'événement dans la ville, ouais. L'événement à Saint-Jean-Bonnefonds. Fais un gros bisou Hélène et on t'envoie ton téléphone. Bisous, à bientôt, merci. Bisous, bisous. Ciao. Salut, bisous. Dans un instant, il arrive. C'est Justin Timberlake qu'on va écouter avec Can't Stop the Feeling. Ouais. Et bah, après les infos et vos 1500 euros aussi. On a un chèque de 1500 euros à vous offrir. C'est déjà tombé ce matin à Nanterre chez Stéphane. Ça tombera peut-être chez vous. Juste après les infos de Rémi, on fait vite le point sur l'actu pour tout savoir. C'est maintenant la météo du jour avec du soleil. Eh ben oui, du soleil pour quasiment tout le monde. Quelques nuages très discrets de la Bretagne à la frontière belge sur l'Atlantique et les Pyrénées et un risque d'orage par contre sur les Alpes. Les températures en hausse ce matin entre 17 et 23 degrés, 17 à Paris et jusqu'à 29 à Perpignan, de 25 à 34 dans l'après-midi. Et puis la pollution avec des indices compris entre 4 et 6, 6 à Montpellier, Nice et Besançon. On fait le point sur l'actu et puis on parlera rentrée dans les conseils pas chers, je crois. Oui. Et on vous dira d'ailleurs combien coûte la rentrée. Mais avant ça, ça, l'actu et le sport. Bah, la rentrée aussi à la une de l'actu, forcément. La cloche qui va retentir dans une heure pour la première fois depuis 2 mois, c'est la rentrée pour 12 millions d'élèves. Fini les grasses matinées, retour aux choses sérieuses. Une rentrée marquée par des changements entre la réforme du collège et les nouveaux programmes du CP à la 3e. La pratique de l'anglais, par exemple, commence maintenant au CP et non plus en CE1. Et la deuxième langue vivante s'apprendra dès la 5e au lieu de la 4e. Les collégiens verront une nouvelle matière débarquer, à savoir le pays pour enseignement pratique interdisciplinaire. Il sera décliné en 8 thèmes, de la sécurité à la culture en passant par la citoyenneté, le monde économique et la société. Des nouveautés qui font bondir les syndicats, vent debout, vous le savez, contre la réforme depuis des mois. Un appel à la grève a déjà été lancé pour jeudi prochain. Emmanuel Macron qui continue d'occuper la place médiatique après sa démission du gouvernement. Il se confie ce matin dans le quotidien Ouest France. Pas de candidature en vue, mais une porte ouverte. L'ex-banquier affirme qu'il prendra sa décision en temps voulu. Manuel Valls, hier en déplacement à Évry dans l'Essonne, n'a pas manqué de piquant. Le chef du gouvernement a tout simplement dit qu'il avait un principe, lui, de loyauté. François Hollande estime qu'on ne peut rien faire tout seul. Selon un sondage, seulement 47% des Français souhaitent voir Emmanuel Macron se présenter à la présidentielle. Situation très tendue au Gabon après la réélection du président Bongo. La capitale Libreville s'embrase. L'assemblée a été incendiée. Le QG de l'opposant Jean Ping a été pris pour cible. Difficile d'avoir des infos, mais l'heure aurait déjà fait 2 morts. La victoire du président sortant se joue à moins de 6000 voix d'écart. La France et l'Union Européenne se disent préoccupées et demandent la publication des résultats du bureau de vote par bureau de vote. Fin de partie pour Dilma Rousseff, c'est désormais officiel. La présidente du Brésil n'est plus puisqu'elle a été destituée. Conséquence des accusations de maquillage des comptes publics qui planent sur elle. La dame de fer de gauche dénonce un coup d'état parlementaire. Son ancien vice-président prend donc le pouvoir après avoir prêté serment hier devant les sénateurs. C'est la rentrée, c'est aussi la rentrée des Bleus ce soir. Ah, et les hommes de Didier Deschamps qui vont affronter l'Italie à Bari en match amical. Ultime rencontre de préparation avant le match qualif en vue du mondial. Mardi prochain, ce sera contre la Biélorussie. Rendez-vous donc dans la radio libre dès 21h pour suivre tout ça ce soir. On attend Martial en attaque associé à Giroud et à Grisi, alors que Sidibé et Kurzawa devraient être titulaires en défense. Et puis on développera mieux dans les infos de 8h le mercato qui, ça y est terminé depuis minuit. Mario Balotelli arrive à Nice. David Luiz quitte le PSG pour rejoindre Chelsea. Et ouais, et la suite tout à l'heure en 8h. Merci à Rémi. 7h34 sur Skyrock, c'est l'heure des 1500 euros tout de suite. La nuit a été courte. La journée sera moins longue avec le morning de Difool sur Skyrock. C'est vrai que ça passe vite, hein. On est en direct pour le morning. Bonne rentrée à vous. Tiens, on fait une petite interro pour cette rentrée. Allez, interro. Alors attention, vous sortez une copie double. Attention. Vous imaginez si ça vous arrive ce matin. Je pense à tous ceux qui rentrent. C'est toi, Romano, qui nous racontait hier soir dans la radio libre que t'avais des profs qui te faisaient une interro le premier jour des cours. Non, ils appelaient ça un test de niveau, tu vois. Et le niveau de Romano, c'est 1m54, hein, vous savez. Oui, un test de niveau. Et par contre, ça comptait dans la moyenne. Eh oui, sympa la rentrée. Ouais, mais inquiétez pas, c'est un test de niveau, c'est pour voir où vous en êtes. Hein. Voici l'interro. Tiens, Cédric, toi qui es le plus intelligent de l'équipe, on a fait un test de QI. Cédric a un QI très très haut, à 12. Ah ouais? Ouais. Cédric, question SVT. Vas-y. Combien d'œufs un canard peut-il pondre par jour? Un canard, il ne pond pas 2. Bonne réponse. Bravo, Cédric. Bien joué. J'avais la même question avec un coq. Ah bah celle-ci, tu vas être obligé de répondre. Le verbe savoir à la première personne du singulier de l'imparfait du subjonctif. Facile. Ah, je sais pas ça. Mais si. Tu sais. Non, je sais pas, je sais pas. Mais si, tu sais. Mais si, mais il veut pas le dire. Tu le fais régulièrement. Mais oui, ce que tu fais en bas des blocs. Mais ta gueule, toi. Le verbe savoir à la première personne du singulier de l'imparfait du subjonctif, que je suce. Ah ben voilà. Eh ben oui, Cédric. En général, tu le fais souvent. Ouais, bien sûr. Le mot le plus long de la langue française. Anticonstitutionnellement. Vas-y, on va leur faire un redit. Anticonstitutionnellement. Anticonstitutionnellement. Oui, voilà. Alors là, il est vraiment plus long. T'as mis des tues en plus. Bah, il est plus long comme ça. Il est long. Il est très très long là. Cédric, tu aurais réussi ton examen d'entrée dans le morning. Voilà, bravo. Eh ouais, bravo. C'est dire le niveau. Ouais, c'est pour vous dire. Bon, bravo à Stéphane, il a gagné 1500 euros il y a une heure, et 1500 euros, c'est à gagner tout de suite. Pour la rentrée, toutes les demi-heures, vous gagnez 1500 euros, il suffit de répondre Skyrock. Mode d'emploi pour choper 1500 euros. Bonjour, c'est qui? Tu fous le tapel? C'est pas possible. Tu réponds Skyrock. Tu gagnes. Et on ouvre l'enveloppe. L'enveloppe avec un numéro tiré au sort. Et tiré au sort, où ça? Eh bien, en région parisienne. Deuxième tour en région parisienne ce matin, dites donc. Hein. C'est parti dans le 94, on file à Thiers. Et on appelle, Benjamin le Turc. C'est parti. Bulgur Tassam. Ça veut dire bonjour en turc. Ah, Bulgur Tassam alors. Oui. Benjamin, c'est pas ça du tout, hein, mais bon. Benjamin le Turc. Bonjour monsieur le Turc. Oui. Comment ça va? Vous êtes qui? C'est la radio. On est en direct à la radio, Benjamin. Salut Benjamin. Voilà. Ok. Bon, on vous appelle pour vous offrir. Pour vous offrir 1 500 euros. Ou un non, non, vous n'avez rien demandé, au revoir. On n'a rien demandé, monsieur. Oui, je sais, c'est le jeu, c'est comme ça. On n'a rien demandé, monsieur. Rien demandé, monsieur, attention. Désolé pour Benjamin Le Turc, comme vous avez pu le constater, Benjamin ne gagnera pas les 1500 euros. En fait, c'était une belle démo de tout ce qu'il ne faut pas faire. Oui, c'est ça. Oui, passez un peu de temps avec nous. Bah ouais, tranquille. Répondez Skyrock, 1500 euros. Bon, c'est tombé chez Stéphane, ça tombera peut-être chez vous. On recommence dans moins d'une demi-heure. 1500 euros à gagner si vous voulez augmenter vos chances de gagner. Parce qu'on tire dans l'annuaire, mais on tire aussi parmi tous les numéros que vous nous laissez. C'est sur le 7-20-20. Vous envoyez 1500 au 7-20-20. Et dans un instant, le prix de la rentrée. Combien ça coûte une rentrée? Et les conseils pas chers juste derrière. Et ben voilà, on parle d'argent sur Skyrock. Tout pour économiser de l'argent. C'est grâce à toi, Romano. Restez bien là, il est 7h37 et c'est l'heure de retrouver Justin Timberlake. Oh, Justin. Oh, Justin. Justin Timberlake, tout de suite avec Can't Stop the Feeling. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. Un autre Justin qui arrive, c'est Justin Bieber avec Major Lazer, nouveauté Skyrock à écouter dans un instant. Mais avant ça, les conseils pas chers. Allez, Romano n'a pas besoin de se coiffer le matin. Non. Ça lui fait plus de temps pour arnaquer. C'est les conseils pas chers sur Skyrock. Bien pratique de ne pas avoir de cheveux, hein, Romano, hein. Ah, formidable. Les conseils pas chers qu'on retrouve tous les matins à 6h40, 7h40, 8h40. Nouvel horaire pour les conseils pas chers dans le nouveau morning. Oui. Et conseils pas chers avec toujours des sujets sur l'argent et ce matin. Là, bah, la rentrée. La rentrée. Ça coûte cher. Ah, bah, 77% des Français, le sondage est tombé, pensent que les fournitures scolaires sont trop chères. Non, mais, franchement, ils posent des questions dans les sondages. Qui va répondre? Ah, bah, non, autant, les fournitures scolaires, c'est pas assez cher, faut augmenter les prix, hein. Alors, cette année, la moyenne, le budget moyen pour, tout ce qui est feuilles, cahiers, les fournitures, les stylos, machin. Et puis, les trucs de sport. Et les trucs cher. De sport, ouais. 190,24 €. C'est une moyenne, hein. La moyenne de la rentrée, vous. Alors, la rentrée, si vous étiez étudiant, lycéen, collégien ou parent, ça vous coûtera 190 euros. Eh ben, c'est bien cher, ça. Ah ouais. Ah ouais. Ah ben, faites des gosses, tiens. Ah bah ben, tiens. Faites des gosses. Bon, alors, ce matin, problème, je n'ai pas toutes mes affaires scolaires pour la rentrée. Évidemment, tu les as pas achetées, t'es trop radin. Je vais appeler les familles, leur demander qu'elles me donnent un stylo, un peu d'argent de poche pour m'acheter un goûter. Et faut m'acheter un goûter. Également, peut-être un sac. Pour transporter tout ça, il faut un sac. Ouais, ouais, ouais, sûr, des cahiers, tout le merdier qu'il faut pour l'école, quoi. Voilà. J'espère que vous avez tout votre merdier, comme dit Romano, hein, pour aller au bahut ce matin, là. Non, mais c'est vrai que c'est un vrai chargement quand tu vas au bahut. On a reçu un message, là. Vous nous envoyez un message au 41759. Il y a quelqu'un qui a oublié son sac le premier jour. Je sais plus comment tu t'appelles. Et ça m'a bien fait rigoler ton message. Je me suis dit, putain, quelle merde. Ouais, bah, ça commence bien, tiens. Mon pauvre, je suis tout cœur avec toi, là. Bon, c'est parti pour les conseils pas chers. On fait le test chez les Français. Ouais, directement. Direct. Et on appelle chez Didier. Didier. Eh ben Didier, j'espère qu'il a bien un stylo à me donner quand même. Oh oui. Alors comment récupérer des fournitures pas chères, puisque c'est très cher tout ça. Allô. Oui, bonjour, c'est Didier. Oui. Oui, bonjour, comment vous allez? Ça va. Ça va. Dites voir, ce matin là, c'est ma rentrée scolaire, mais j'ai oublié d'acheter des affaires. Oui. Est-ce que vous pourriez me donner un stylo? Vous avez bien un stylo chez vous? Je comprends pas. Un stylo, tu sais, le truc pour écrire. Putain, merde, on part de loin, là. Tu fous de ma gueule, là, quoi. Sinon, un sac. T'as ouais, pas. Mais tu veux te donner un sac claque dans la gueule, ça continue. Non, moi, je veux juste un sac. Ouais, ben, je vais t'en remettre un sac, ouais. Écoute, je peux passer chez toi dans 5 minutes. Oui, ben, amène-toi, tu vas voir. Et puis, comme ça, tu me donneras 20 euros d'argent de poche aussi, parce que faut que je me paye à goûter. Ouais, d'accord. Voilà, j'achèterai un sandwich. Un sandwich? Avec un cucacula. Donc je viens dans 5 minutes, Didier. Et ben voilà, bah, tu vas récupérer un sac sur la gueule, et une sac dans la gueule aussi. Le sac dans la gueule. Et hop, là on a un sac, mais t'as pas de stylo, dis donc. Bah non, parce que stylo, il savait pas ce que c'était, Didier. Bah oui, bah, c'est le machin pour écrire sur une feuille. Bah ouais, ouais, quelqu'un prend pour un con. Alors on a essayé un deuxième pour récupérer un stylo. T'as un sac. Le sac peut servir de trousse aussi, hein. Ouais, on va se débrouiller, ouais. Allo Ludovic. Ludovic. Ouais. Comment tu vas? Bah je connais pas, quand tu m'appelles. Bah je t'appelle parce que j'ai un petit problème là, je suis en train de partir au lycée là. Et en fait je me suis rendu compte, j'ai oublié ma trousse. Est-ce que tu pourrais me filer un ou deux stylos? De toute façon t'en t'écris jamais toi. Bah non. Bah alors donc tu peux me les filer tes stylos. Bah c'est pas moi, c'est au gosse, hein. Moi j'ai pas de stylo, moi c'est au gosse. Ouais bah au gosse, bah t'en piques un au gosse, de toute façon il s'en servira pas, il est en quelle classe? De quoi, il est en quelle classe ici? Il est en CE1. Ah bah en CE1, tu rigoles, en CE1, ils écrivent pas. Tiens, je vais venir prendre sa trousse ce matin. Je viens prendre la trousse du gamin et puis je prendrai son sac à dos aussi. vous avez préparé à goûter pour le gamin? Je vais lui prendre le goûter aussi. Oh, le pauvre. Le pauvre gosse, il va plus avoir de trousse. Il a plus rien. Plus avoir de sac et plus avoir de goûter. Bah ouais, mais bon, c'est ce qu'il faut. Bon, bah alors, le stylo du gosse, c'est bon. Le sac. Le sac de Didier, magnifique. Bon. Une claque dans la gueule en cadeau. C'est bon aussi. Bon. C'est formidable. Et pour le goûter, écoute, demande à Cédric de te préparer quelque chose. Non, ça va aller, je vais pas se manger. Je mangerai ce soir. Pourquoi tu vas pas manger le goûter de Cédric? Cédric, il mange des trucs, laisse tomber, quoi. Bon, bah écoute, pas de goûter pour toi aujourd'hui. Non, pas de goûter, dommage. C'est bien. Au régime. 7h45, et ben c'est l'heure de l'horoscope de l'amour. Il arrive dans moins d'une minute sur Skyrock. Et le loser du jour aussi à découvrir, et ben ce sera juste après sur Skyrock. Maître Gims, à contre-cœur. Retrouvez tous les tubes de Mon cœur avait raison, enrichis de 7 inédits. Inclus Est-ce que tu m'aimes, Sapé comme jamais, Ma beauté, Boucan. À contre-cœur, le meilleur des pilules rouges et bleues, plus 7 inédits, disponibles maintenant. C'est la rentrée no stress chez But. En ce moment, profitez de moins 50% sur de nombreux produits. Oui, jusqu'à moins 50%. But, c'est nous. Produits et réductions signalés en magasin et sur but.fr. La rentrée chez Intermarché, c'est reparti pour un tour. Avec le carburant à prix coûtant. Pour une rentrée qui roule jusqu'à samedi, le carburant à prix coûtant, c'est chez Intermarché. Dépêchez-vous! Intermarché, tous unis contre la vie chère. Modalité et magasin participant sur intermarché.com. L'énergie est notre avenir, économisons-la. 7h46, et ben voilà, c'est l'heure de l'horoscope, l'horoscope de l'amour. Vas-tu avoir une bonne note ce matin? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Et les Capricornes et les Taureaux au top du top aujourd'hui pour ce 1er septembre. Et oui, nous sommes les meilleurs. Taureaux et Capricornes, deux signes de terre. Et pourtant, le 7e ciel nous attend aujourd'hui. Waouh. On va kiffer cette journée. Capricorne, Taureau, 5 sur 5. 4 sur 5, les Gémeaux et les Poissons. Belle puissance amoureuse pour vous. Votre confiance en vous vous rendra très attirant et très attirante. Et accentuera encore votre charme. Bien joué, bravo. 3 sur 5, les Béliers et les Balances. On recherchera votre compagnie aujourd'hui. Profitez-en. Un petit 2 pour les Lions et les Verseaux, mais c'est pas mal. Ne dépensez pas trop pour plaire en ce jeudi. Non, comptez sur moi. Je compte sur toi. 1 sur 5, les Vierges et les Scorpions. Ne vous mêlez pas des embrouilles sentimentales des autres. Sinon, ça risque de vous retomber dessus. Les Scorpions et les Vierges, vous avez 1 et 0. Pour les Sagittaires et les Cancers, si vous êtes célibataire, ne soyez pas trop secret. Mettez-vous un petit peu plus en avant. Et si vous êtes en couple, votre partenaire prendra un petit peu ses distances aujourd'hui. Mais vous inquiétez pas, rien de grave, pas de panique. C'est pour mieux revenir vers vous ensuite. Voici pour l'horoscope du jour. Et dans un instant, le loser du jour. Il arrive sur l'antenne de Skyrock. Et oui, le top lose, top win. C'est un top lose aujourd'hui. En direct de 6h à 9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Et ça, c'est Major Lazer, le nouveau. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will still be patient with you. Lazer, le nouveau avec Justin Bieber. On écoutait Cold Water sur Skyrock. Bonne journée, bonne rentrée. Et ouais, dans 10 minutes, c'est la rentrée pour certains. Les premiers vont rentrer dans 10 minutes. Ah ouais. Bon courage à vous. Vous pouvez nous laisser des messages pour nous dire un petit peu comment vous êtes, comment vous vous sentez en cette rentrée. Comment tu te sens, Cédric? Moi, ça va, tranquille. Moi, je sens fort. Fort, hein. Non, ça va, je sens bien. Fort, fort. Moi, je sens la nuit. C'est normal, tu rentres plus. Eh oui, tu rentres plus. Qui est-ce qui aimerait retourner à l'école? T'aimerais qu'Ariol retourne à l'école? Ah non, c'était une hantise pour moi. Oh, c'est trop bien. Ah, Rémi, renvoyez-le à l'école. En plus, il y en a besoin. Juste pour les copains. La rentrée, c'est pour vous. Et les 1500 euros, c'est pour vous aussi dans 10 minutes. Allez, 7h50, en 10 minutes, on joue ensemble. On vous appelle, on vous demande quelle est votre radio préférée. C'est 1 500 € dans la poche, il y a eu plein de gagnants là, depuis le début de la semaine. Le premier gagnant de cette matinée, il s'appelle Stéphane, il habite à Nanterre. Ouais. Et lui, c'est pas un loser, hein. Il a gagné 1 500 €, il a répondu Skyrock, ouais. Il était dans son lit, on l'a réveillé. Et il a eu le bon réflexe dès le réveil. Quand vous vous demandez quelle est votre radio préférée, vous répondez Skyrock. Et c'est dans la poche. Alors, notre loser du jour, hier c'était Chris Brown. Ah ouais, Chris Brown. Ça va mieux, Chris Brown, hein. Ah bah ouais, ça va mieux. Il a payé 250 000 dollars. Il est soulagé, ouais. Ouais, il s'est soulagé un peu le compte en banque. Vous savez qu'on a failli le remettre loser du jour, Chris Brown. Parce qu'on s'est dit quand même, quand tu payes 220 000 euros pour rester libre, c'est quand même la lose. C'est vrai. Eh ouais, c'est la lose. Ça fait cher. C'est vrai, c'est cher, c'est cher. Fuck you. Pourquoi tu dis fuck you, Chris Brown? Un peu énervé. Fuck ugly bitches. C'est Chris. Bon, on va pas faire deux fois le même, hein. Là, on a un Français qu'on a élu loser du jour. On le découvre tout de suite sur Skyrock. Le loser du jour. Le loser du jour. Alors, le loser du jour, il habite dans le Vaucluse. Et à 5h du matin, lundi matin, un habitant tranquille, chez lui, en train de dormir, comme pratiquement tout le monde à 5h du matin, entend quelqu'un taper à la porte. Et puis entend quelqu'un qui met une clé dans la porte et qui rentre chez lui. Ah ouais, bah c'est rassurant. À ce moment-là, il tombe nez à nez avec un mec complètement bourré qui lui explique « Je suis le frère du propriétaire de la maison, c'est comme si c'était chez moi, dégage d'ici. » Alors que le mec est locataire. Hein. Oui, oui. « Dégage d'ici, allez hop, dégage et laisse-moi dormir. » Le mec s'installe dans son lit. Le mec a eu évidemment peur, enfin celui qui habitait ici, ouais. Le locataire, a appelé la police. Et donc, nous avons élu loser du jour, le mec complètement bourré. Alors pourquoi loser du jour? Parce que ça peut lui coûter, vous savez combien? Un cher. 15 000 euros. Ah ouais, ah ouais. Et ouais. Ah ouais, ça fait cher. Le petit coup de trop, le petit verre bu en trop, et puis bah, le fait de rentrer chez quelqu'un, même si ton frère est propriétaire, t'as pas le droit. Hein. Non, t'as pas le droit. Mais là, le mec, c'était pas un verre en trop qu'il a bu. Parce que, C'est la bouteille de trop, là. Ah ouais, je crois qu'on peut-être était. Peut-être plusieurs bouteilles, ouais. Oui, mon frère est propriétaire de l'immeuble, par conséquent, chuit, dégage, je vais dormir dans ton lit. Allez, évacue, évacue les lieux. Comment tu aurais réagi, toi, Romano? Déjà, t'aurais fait un malaise, je pense, non? Ah ouais, mais moi, j'aurais flippé, moi. T'as un mec qui est chez toi, en plus. Non, mais ouais, à 5h du matin, il y a un mec qui rentre chez toi comme ça. Non, mais j'aurais eu peur, mais j'aurais appelé la police. Je me retourne vers Cariole, qui est pas du tout parano. Comment tu réagis, Cariole? Oh, je sais pas trop, Cariole, elle est capable de... Je tombe dans les pommes, peut-être. Oui, et avant, tu sautes par la fenêtre, non? Aussi, peut-être, ouais. Aussi. Et toi, Cédric, toi, c'est bim bam boum, non? Ah, je le fous à la porte. Non, mais c'est le mec bourré qui se barre. Oh putain, ça pue. Oh, oui, vraiment. Je le fous à la porte. Non, laisse tomber, je vais aller chez quelqu'un d'autre. Coup de pied au cul, moi. Cet appartement est installé. Oh là, c'est terrible. Ah, je vais le dire à mon frère, mais le locataire pub. Voilà, 15 000 euros d'amende. Bon, pour 15 000 euros, il mérite le titre de loser du jour. Bah, ce tarif-là, il aurait mieux fait d'aller à l'hôtel. Voilà, c'est notre loser. Si vous habitez dans le Vaucluse, il habite à côté de chez vous, le gars. Ouais, bah, faites gaffe, que ce soit pas le frère du propriétaire de votre appart. Oui, parce qu'il est dangereux quand il a bu. Ouais, c'est attention. Faut faire attention. Bon, attention, les 1500 euros arrivent, il est 7h54 sur Skyrock. Du son aussi pour se réveiller. Qu'est-ce qu'on écoute, Ritza? Ouais. Ouais, on aura du Rihanna aussi à écouter tout à l'heure. Et une belle journée qu'on vous souhaite et une belle rentrée. Bon courage. On salue les parents qui emmènent les enfants à l'école. Ah, je suis sûr que mon fils va pleurer. C'était le message de Terry là sur SMS. Ah bah tiens, il y a Shine. Moi j'ai des jumeaux. Un est content, l'autre a pas envie d'aller en cours. Ouais, c'est le plus grand. Ah non, ils sont jumeaux, merde. Ouais. J'allais dire, c'est le plus grand. Bah non. Non, mais tu vas voir si l'autre se met à pleurer. Celui qui est content, il va pleurer aussi. Tout le monde va pleurer. Ouais, c'est ça. Ouais. Allez, bonne rentrée à vous, bonne rentrée avec Skyrock. GPS, caméra de recul. Oh, elle est vraiment canon, ta nouvelle Volkswagen. Hein. Tiens-toi bien, entièrement connectée. Bon, allez, tu la vends combien? Je la vends pas, je viens de l'acheter. Non, mais t'as déjà quelqu'un sur le coup, c'est ça? C'est Michel. Michel, il est à Cancun. Difficile de résister. En septembre, la Golf Match suréquipée est à 270 euros par mois, entretien et garantie inclus. Location longue durée 37 mois, 30 000 km, premier rapport de 2867 euros. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank, détails sur volkswagen.fr. Géant. Ce sont toujours les jours imbattables chez Géant. Jusqu'à dimanche dans votre Géant. Bénéficiez d'une réduction de 40% sous forme de bon d'achat sur la centrale vapeur Calor, 5 bars et prête en 2 minutes à 125 euros, soit un bon d'achat de 50 euros. Les prix bas, c'est Géant. Bon d'achat valable sur l'ensemble du magasin du 5 au 11 septembre. Marionneau. Cette année, vous allez adorer la rentrée chez Marionneau. Profitez d'une remise exceptionnelle de 25% sur tous les parfums de grandes marques en magasin et sur marionneau.com. Pas une minute à perdre, c'est vraiment le moment de se faire plaisir. Offre et conditions sur marionneau.com. Marionneau, la beauté qui me ressemble. Breakdown.

c'est le morning de Default sur Skyrock. Il est pile 8h, bonne journée à ceux qui vont rentrer. Ah ouais, et puis allez, aux parents qui amènent les enfants à l'école. Mehdi, Clara et Talia, vous avez le bonjour du papa. Le papa Sopra, Sopra Wesh. Salut Sopra Wesh. Et ouais, tu vas les amener à l'école. C'est parti pour la rentrée. Eh oui. Bonne rentrée à vous, bon réveil avec Sky et bonne chance pour les 1 500 € dans, allez, 2 minutes. On vous appelle, on vous demande quelle est votre radio préférée. Vous gagnez 1 500 €. En répondant Skyrock. Et évidemment. Je vous annonce un invité mystère à 8h20 tout à l'heure. Invité mystère à découvrir pour gagner votre iPhone 6S. Encore un iPhone 6S pour vous. Il faudra découvrir, allez, une star américaine. Oh yeah. Star américaine. American star. Très riche, Romano. Ah, très bien. C'est possible que ça t'excite un peu. Ouais, ouais, ouais. Et puis à 8h10, dans 10 minutes maintenant, on retrouve notre réveil de star du jour. Et pour le réveil de star du jour, c'est Paul Pogba qui vient réveiller les Français ce matin. Pogboom qui sera sur le terrain ce soir en Italie à Bari pour le match amical. Mais match important pour voir si les Français sont en forme. Et ben oui, ce soir en Italie, les Français contre les Italiens. Bonjour à tous, bonjour à tous. Bonjour, bonjour Paul. Bonjour Paul. Bonjour Paul, on va te retrouver tout de suite. Hein. Et à très bientôt. Oui, à très bientôt, dans moins de 10 minutes. Il arrive. Et là, c'est Rémi qui est déjà là pour les infos. On va faire le point sur l'actu avant de retrouver Calvin Harris et Rihanna. L'actu qui démarre par la météo pour aujourd'hui. Elle est pas mal la météo pour cette rentrée. Hein. Oui, encore du soleil sur la majorité du pays. Quelques nuages très discrets de la Bretagne à la frontière belge, sur l'Atlantique et les Pyrénées, seul bémol. Un risque d'orage au niveau du sud-est, notamment sur les Alpes. Les températures en hausse ce matin, entre 17 et 23 degrés, 17 à Paris jusqu'à 29 à Perpignan, de 25 à 34 cet après-midi. Et puis la pollution, les indices compris entre 4 et 6, 6 à Montpellier, Nice et Besançon. Et le point sur l'actu, toute l'actu, et on parlera du mercato dans un instant, et puis des bleus aussi. H-30 minutes, les yeux qui piquent, le bol de céréales, les bus, les potes, l'emploi du temps, et une bonne matinée avec le prof principal. Rendez-vous sous le préau pour l'appel dans tout juste une demi-heure, après 2 mois de vacances bien méritées. Ça dépend, il y en a qui sont rentrés à 8h. Hein. Oh, souvent c'est 8h, 8h30. Non mais ça même. C'est quand t'es à la maternelle, tu t'es arrêté à la maternelle, toi, c'est pas possible. C'est vrai. Il s'est arrêté en primaire, Rémi. Ah ouais. J'ai toujours eu les cours à 8h30, les gars. Ah non, moi c'était à 8h. Ah bah, moi j'ai toujours 8h30. Hein. C'était 8h30. 8h20 pour être précis, 8h20. Bah 8h20, ouais, c'est ça, il s'est arrêté en primaire. Ouais, en primaire, ouais, tu vas à 8h30. Mais non. Mais si. À collège lycée, c'est pas, c'est 8h. Bah oui. Mais non. Bon, alors vas-y, finis. Bon, d'accord, si vous voulez. Bon, bah alors ils sont déjà rentrés. Bonne chance à eux. 12 millions d'élèves qui étaient du coup sur le chemin de l'école, hein, de la maternelle à la terminale. Bon courage à tout le monde. Pas mal de changements cette année. Alors vous avez forcément entendu parler de la réforme du collège, des nouveaux programmes du CP à la 3e. Bien évidemment, le risque d'attentat aussi dans toutes les têtes. Bernard Cazeneuve a tenu à rassurer hier en reparlant des mesures prises pour la sécurité. 3000 réservistes seront mobilisés. François Hollande, de son côté, est attendu à Orléans pour cette rentrée. Un homme tué par balle hier à Marseille, c'est le 4e dans les Bouches-du-Rhône. Rien que pour le mois d'août, la victime garait sa moto et a été la cible d'un individu qui a pris la fuite. Les pompiers sont rapidement arrivés sur place, mais les blessures étaient trop graves. L'homme d'une 40aine d'années a été abattu sous les yeux de son fils. 3 personnes mises en examen après l'assassinat d'un Chinois à Aubervilliers, en région parisienne. Les meurtriers présumés arrêtés il y a 3 jours ont été écroués. La victime avait été agressée en pleine rue début août. Avant de succomber à ses blessures, ses agresseurs, dont 2 mineurs, avaient tenté en fait de voler le sac d'un ami avec lequel il se trouvait. Plusieurs associations appellent à une manifestation ce samedi. Des nouvelles de Chris Brown qui, je vous le rappelle, est accusé par une ex-reine de beauté de l'avoir menacé avec une arme. Comme on l'a dit hier, la justice américaine prend l'affaire très très au sérieux. Le chanteur américain a dû payer une énorme caution pour rester libre. C'est l'info donnée par le tribunal de Los Angeles. La star a versé 250 000 dollars et son avocat continue de clamer qu'il n'a rien à se reprocher. Ça fait 220 000 euros, c'est cher. 224, ouais, c'est chaud. Ouais. Cher, cher. La fin du mercato, bah on en parle tout de suite. Et puis les Bleus ce soir contre les Italiens. Ouais, et la grosse info, c'est bien sûr l'arrivée de Super Mario à Nice. Énorme coup pour les Aiglons. Énorme coup de pub, hein, surtout marketing, qui s'offre les services de Balotelli, qui a passé hier sa visite médicale. L'Italien avait été acheté 25 millions d'euros par Liverpool, mais voilà, le problème, c'est qu'il n'a inscrit qu'un seul but en 20 matchs la saison dernière. On espère que ce sera mieux avec les Aiglons, là, cette saison. On n'y croyait pas. Et finalement, ça s'est fait très rapidement. David Luiz est de retour chez les Bleus. L'ancien Parisien quitte la capitale pour Chelsea. Il s'est engagé pour 3 ans. Le transfert tourne autour des 40 millions d'euros, alors que Blaise Matuidi reste à Paris. Moussa Sissoko ne jouera pas en D2 anglaise. Son club Newcastle a été relégué. Il souhaitait en partir. C'est chose faite puisqu'il s'est engagé avec Tottenham jusqu'en 2021. Et puis du côté de Marseille, Angie est arrivé, ça on le savait. Et là, Sana Diarra ne quittera pas la Canebière, tout du moins pour l'instant. La rentrée des Bleus ce soir, les hommes de Deschamps vont affronter l'Italie à Bari en match amical. Ultime rencontre de préparation avant le match qualif en vue du mondial mardi prochain contre la Biélorussie. Rendez-vous dans la radio libre dès 21h pour suivre tout ça ce soir. On attend Marcel en attaque, associé à Giroud et à Grisi, alors que Sidibé et Kurzawa devraient être titulaires en défense. Raphaël Varane n'est pas loin, il s'est d'ailleurs exprimé hier, on en parlera à 8h30. Eh bien à 8h30, on sera là. Merci Rémi. Et ce soir aussi, on suivra le match. Vous mettrez la note du match, vous commenterez le match en direct avec nous dès 21h dans la radio libre. À pas louper les 8h05 sur Sky. C'est bon. Ah, voilà, on y va. Feuille de match du morning de Difool. Entraîneur, Difool. Même Zizou lui demande des conseils. Salut, c'est Zizou sur Skyrock. Attaquant, Romano. Plus fort que Messi. Oh, pardon, non. Plus petit que Messi. Gardien, Cédric. Il avale tous les ballons. Pom-pom girl au sein nu, Carriole. Salut. Coup d'envoi du morning de Difool. The morning show. 6h-9h sur Skyrock. Et oui, la feuille de match est prête pour le morning. En direct sur Skyrock. Bienvenue si vous venez d'arriver. Bon courage si vous êtes dans les bouchons et bon courage à ceux qui vont rentrer aujourd'hui. Eh oui, bon courage, bonne rentrée. Oui, il y en a qui rentrent à 10h ce matin. Bon courage pour ceux qui rentrent à 10h, il y en a qui rentrent cet après-midi. Et puis il y en a un qui va vous énerver, c'est Tristan qui nous a laissé un message. Tristan, et lui, ne rentre que demain. Ouais, c'est vrai. Et ouais. Bah, hier soir, on a eu des auditrices même qui rentraient fin septembre. Ouais, le 26. Ouais, c'est ça. Ouais. Le 26 septembre pour énerver tout le monde. Bon, la rentrée, c'est parti. Puis la rentrée, ça a du bon. Regardez, on vous offre 1 500 € toutes les demi-heures sur Skyrock. 1 500 € qui sont tombés tout à l'heure à 6h30. Et là, ça peut retomber maintenant. Eh ben oui, ça peut retomber. Tiens, j'ai l'enveloppe. J'ai réussi à la récupérer, celle-ci. Là, on se bat pour les enveloppes le matin dans l'émission. Hein. 1 500 € à gagner. Puis notez bien les rendez-vous du morning, les rendez-vous du new morning sur Skyrock à 8h10, réveil de star. Paul Pogba qui va réveiller les Français. À 8h40 tout à l'heure, vous avez rendez-vous avec Romano et ses conseils pas chers. Et je vais faire dans le foot ce matin. Bah évidemment. J'ai profité du match Italie-France. Il faut profiter de tout quand vous voulez de l'argent. Je le connais un peu Romano depuis quelques temps. Hein. Mm-hmm. Il profite de tout, toute l'actu, tout ce qui peut lui rapporter des sous, il s'en occupe. N'hésitez pas, ouais. Donc les conseils pas chers tout à l'heure à 8h40. Et avant tout ça, à 8h20, un invité mystère à découvrir. Je vous ai parlé d'une star américaine. Et c'est une star américaine qu'on va découvrir. Mais avant ça, eh ben ouais, on vous l'a dit, 1 500 € à gagner. Une bonne nouvelle dès le réveil. Non, c'est Skyrock. C'est Skyrock. 1 500 € dans ta poche. Oh putain, c'est trop bon. Maintenant. Ouais, maintenant, ils sont dans l'enveloppe. Je vais libérer les 1 500 € et puis vous dire où est-ce qu'on va aller. 1 500 € à gagner à Amiens. Si vous habitez à Amiens, eh ben attention. Regardez si vous avez du réseau, branchez bien les téléphones. On arrive peut-être chez vous, on a tiré au sort Aurélie Porquet. Comme Cédric. Ah, Porquet. Comme moi. Une blague, Cédric. Ah. Aurélie Porquet, 1 500 € à gagner. On appelle 5 sonneries. Et il faut évidemment répondre Skyrock quand on vous parle radio, téléphone, on vous demande quelle est votre radio préférée, c'est Skyrock. Ouais. Allez les Porquet. Et dans ce cas-là, c'est 1 500 €. On en est à la combienième sonnerie? J'ai pas compté. 3, non? Allez, on dit 3. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour Madame Porquet. Oui. Bonjour Madame, vous êtes Aurélie? Oui. Bonjour Aurélie. Nous c'est la radio, téléphone Aurélie. Oui. On est en direct dans toute la France. Oui, je l'entends. Oui. Et on t'appelle, on peut se tutoyer Aurélie? Oui. Ton nom a fait beaucoup rire à des membres de l'équipe chauve. Hein. Non, mais moi je n'arrête pas. Hein. Oui, là, oui. Bon, on t'appelle pour t'offrir 1 500 € Aurélie. On a 1 500 € pour toi. Il faut me dire quelle est ta radio préférée. Skyrock. Et tu as la bonne, t'as gagné 1 500 €, Aurélie. Bravo. En direct sur Sky ce matin à 8h09, je t'annonce officiellement que tu viens de gagner 1 500 €. Bravo Aurélie. Merci. Bah ouais, félicitations. Ah bah oui, bravo. Merci. Tu vas faire quoi avec tes 1 500 €? J'aime bien savoir ce que vous allez faire avec tous ces sous. Faire plaisir à mes enfants. Ah, faire c'est plaisir. Bien. Là, c'est la rentrée en plus, donc là, j'allais partir pour l'école. Ah bah ouais, ils ont quel âge, tes enfants? Ma fille a 5 ans et mon petit bébé a 6 mois. Très bien, passe-moi le petit bébé, j'ai des trucs à vous montrer. Ouais. Oh, il est en train de manger son petit livre. Bon, lui, il va pas aller à l'école. Elle est contente d'aller à l'école, oui, ta fille de 5 ans? Oui, elle est prête, là. On allait partir. Eh bah, très bien. Elle est juste à côté de toi? Oui, elle est à côté de moi. Tu veux la passe? Bah oui, tu vas me la passer. Ah bah oui, quand même. Ah oui. Ah, elle te dit bonjour. C'est comment son prénom? Bonjour. Comment tu t'appelles? Bonjour, comment tu t'appelles? Elle fait ça timide. Bon. C'est quoi son prénom? C'est Nina. Nina, il faut parler dans le téléphone, autrement maman, attendez, elle t'offrira pas de cadeau. Rien du tout. Elle garde tous les sous pour elle. La maman, elle va garder les 1 500 € pour elle. Bonjour. Bonjour. Bah oui. Elle est mignonne. 1500 euros. Oui. Elle est contente de rentrer. De la rentrée des classes ou je sais pas trop. Hein. Ouais, pas trop. Ouais, déjà moyen, 5 ans. Moyen, ouais. Ah ouais. Voilà, c'est ça. Ça promet pour la suite parce qu'en général à 5 ans, bon, ça va, ils retrouvent les copains, les copines, tout ça. Oui, c'est que ça. Le début, oui. Ouais, bah écoute, ouais. Bon courage Aurélie, bonne rentrée à ta petite fille. Et puis bah fais-lui plein de cadeaux, fais-toi plein de cadeaux. D'accord. Aussi. 1500 euros. Merci de te réveiller avec nous. Raccroche pas Aurélie, on prend tes coordonnées, on speed. D'accord, ça marche, pas de soucis. Oui, on va éviter de te mettre en retard le jour de la rentrée, ça fout mal après. Bah oui, là je vais être un petit peu en retard. Allez, mais c'est pas grave. C'est pour les 1500 E. Voilà, c'est ça. Merci. Bravo Aurélie. Eh ben, gros bisous. Merci. Aurélie. Bisous. Au revoir. Salut. Au revoir. Le morning de Diffoul sur Skyrock. Le morning qui fait. Ah, j'y crois même pas là, j'y crois même pas. Putain. Des réveils. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at Skyrock, Rihanna et Calvin Harris avec magnifique à 8h14. This is what you came for, si vous voulez le vrai titre. Oui. Dans un instant, I'll be missing you, on écoute Puff Daddy sur Skyrock et tout de suite, c'est l'heure du réveil de star avec Paul Pogba. Tiens, puisqu'on parle football, match ce soir à suivre dans la Radio Libre. Allez les Bleus. Italie-France. Et puis on voulait saluer nos amis de Canal+ Sport à la pointe du sport. Vous savez que Mario Balotelli est transféré à Nice. C'est un des événements des transferts, on en parlait avec Rémi tout à l'heure. On voulait féliciter Canal Plus Sport, bravo, hein. Vraiment une chaîne de spécialistes. Hein. L'autre actualité foot du jour, c'est bien sûr l'arrivée annoncée, en tout cas de Mario Telli à Nice. Mario Telli, elle a remixé le nom un peu. Voilà, elle a appelé Mario Telli, parfait. C'est bien pour une chaîne de sport. Ah bah bravo, bravo Canal. Bravo. Félicitations Canal, vous êtes les meilleurs. Bravo. Elle aurait pu la mettre dans les losers du jour. Ouais, ouais, aussi, ouais. Elle aurait pu. Bon, réveil de stars, c'est parti. Les stars réveillent la France. Veuillez décliner votre identité. C'est le réveil de stars sur Skyrock. Eh oui, réveil de stars avec Paul Pogba ce matin. C'est un bonheur. Ah bah, bonheur d'être sur Skyrock, ça fait plaisir, Paul. Je te présente l'ensemble de l'équipe, Cédric. Ouais. Ah oui, il a vu l'ange. Hein, ouais. Tu as un petit message à lui laisser, non? T'es nul, t'as été nul. Oh, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, je sais pas, t'as dû faire un truc qui lui a pas plu. Bon, toute l'équipe est là et Paul Pogba va réveiller les Français. Bonjour à tous, bonjour à tous. Salut. Bonjour à tous, bonjour à tous. Non, il t'a dit bonjour. Ah oui, pardon. C'est pour les garçons. C'est bonjour à tous. À tous. Bonjour à tous, bonjour à tous. Et il va réveiller la femme de Patrick maintenant. Ah, et quelle chance est là. On a appelé chez Patrick. Voici la femme de Patrick qui se fait réveiller par Paul Pogba. Réveil de star tous les matins sur Skyrock. À 8h16 ce matin, c'est Pogboom qui réveille les stars de pioche. Bonjour à tous, bonjour à tous. Bonjour. Ça va? Oui. T'es sûr que tu vas bien? Si, c'est qui? Pogba World. C'est quoi ces conneries là? Je vous accueille dans ma fabuleuse chambre. Non, ça va aller, merci. Un réveil très difficile. Oui, oui, et qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Je suis en équipe de France aujourd'hui. Oui, bien sûr. Et puis moi, je suis la reine d'Angleterre aussi. Eh ben, c'est la Pourquoi reine pas Ouais, bien sûr. Pour moi, c'est un plaisir de jouer pour l'équipe de France. Oui, il y a France-Italie. Comme on dit toujours, c'est on va chercher la victoire. Oui, bah forcément. Hein, c'est tout ce qu'on veut. Hein. S'imposer chez nous, jouer notre football et prendre du plaisir toujours. Ben, l'important, c'est justement de participer, comme vous dites, de prendre du plaisir. Mmh. On a toujours besoin du public. En plus, là, on joue chez nous, donc on a besoin d'eux et qu'ils nous aident à remporter ces matchs. Allez, les bleus! Allez, les bleus! Ça me fait plaisir. Ouais, bien sûr. J'étais fan de Zidane, Ronaldinho, même Ronaldo, parce que j'étais plus offensif. Oui, mais je suis content de le savoir, on s'en fout en même temps. Mais nous aussi on était fans de Zizou, ouais, de Didier Deschamps, tout ça. Arrête les gars, s'il te plaît. Ça me fait rire, pas moi, parce que depuis que vous appelez, ben, vous n'arrêtez pas de faire les ondes. Objectif atteint. Mon fils, il demande si vous n'êtes pas de Skyrock des fois. Non. Non, non. Non. Hein, on va aller dans le bain froid, vas te reposer parce que t'as perdu. Hein. Ah merde. Bon, ben tant pis. Allez-vous le prendre? Moi, je suis en pyjama, donc je peux pas aller le prendre. Vamos. Bisous. C'était un plaisir. À bientôt. À bientôt. Et à très bientôt. Et ben voilà, elle était contente. En plus, les enfants écoutent Skyrock, vous avez entendu derrière. Ouais, il s'est fait pourrir. Ok, t'attends. Oui, il s'est fait pourrir. Après, ça s'est mieux passé. Ah, il faut les andouilles. Et elle s'y connaît en foot. Elle sait qu'il y a Italie-France ce soir. Elle connaît Zizou, ouais. Deschamps. Didier Deschamps. Et ouais, mais c'est culture. Ça. Et oui, les enfants écoutent Skyrock, la maman sans doute aussi. Hein. Eh ouais, première sur le foot. Et première sur le foot. Et Paul Pogba ce soir sur le terrain, à pas louper. Paul Pogba de retour très très très vite sur Skyrock. Merci Polo. Et à très bientôt. Et à très bientôt. En direct de 6h à 9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Yesterday we used to rock the show. I laced the track, you locked the flow. So far from hanging on the block of dough. Notorious, they got to know that. Life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see. If you open up the gates for me, reminisce sometime. The night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. Thinking of find a heart with you not around. Know you in heaven smiling down, watching us while we pray for you. Every day we pray for you, till the day we meet again. In my heart is where I keep you, friend. Memories give me the strength I need to proceed, strength I need to believe. My thoughts big, I just can't define. Wish I could turn back the hands of time. Us in the six, shopping new clothes and kicks. You and me taking flicks, making hits. Stages they receive you on, still can't believe you're gone. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. Sur Skyrock, c'était Puff Daddy avec Faith Evans pour la voix féminine de ce morceau. C'est joli ça. 8h21, allez, c'est l'heure de retrouver maintenant sur Skyrock l'invité mystère, un invité mystère à découvrir. Et je vous en ai parlé tout à l'heure, un invité mystère américain, invité mystère US. Waouh. Ce n'est pas Chris Brown, parce que j'ai déjà vu, il y en a qui sont malins, hein, qui essayent de laisser les réponses avant que je passe l'extrait. Eh bien non. C'est plus difficile à trouver. Vous tentez le coup, donc c'est pas Chris Brown. Chris Brown, on s'en est occupé hier. Notre invité mystère, je vais vous faire écouter sa voix. Alors lui, il fait le bonheur des paparazzi, les paparazzi du monde entier. On en reparle d'ailleurs dans un instant. Vous découvrez qui est l'invité mystère et vous nous dites ça au 41 759. Ou alors avec votre appli Skyrock, téléchargez l'appli Skyrock, ça vous permet de gagner des cadeaux. En plus, vous envoyez des messages, c'est gratuit. Ouais, ouais. Vous envoyez ça donc sur l'appli au 41 759. Et puis vous laissez dans les deux cas votre numéro de téléphone. Comment va notre invité mystère? Ça va bien. Ça va bien. Ah, il parle français. Eh oui, oui, oui. Tu m'as reconnu, je suis dit foule. Je t'aime beaucoup. Oh, c'est mignon. Wow. Comme il est mignon. Oui, je parle français, mais pas bien. Et si, tu parles très bien français. Ça va pas mal. Vas-y, dis un petit message pour tes fans. Je t'aime beaucoup, tous les fans. Oui, c'est bien, oui, c'est bien. Vous êtes très belle. Oui, c'est très très bien. Ça va très bien. Ça va très bien. Eh bien, écoute, bravo. Pas mal. Vous l'avez reconnu? Non. Oui. Ouais, si. Non, star américaine. Qu'on a passé ce matin sur Skyrock. Allez, ça y est, je l'ai. Un petit indice que je vous donne. Vous nous dites sur le 41 759 et vous gagnez votre iPhone 6S. Il est pour vous. Un iPhone à choper pour vous maintenant, très très vite. Yeah baby. Yeah baby. Ah, yeah baby. Et on le retrouve dans deux minutes sur Skyrock. L'invité mystère arrive. Il est 8h23. GPS, démarrage sans clé, caméra de recul. Non, franchement, elle est canon ta nouvelle Volkswagen. Tiens-toi bien, entièrement connecté. Bon, allez, tu la vends combien? Je la vends pas, je viens de l'acheter. Non mais t'as déjà quelqu'un sur le coup, c'est ça? C'est Michel. Bah, Michel, il est à Cancun. Difficile de résister. En septembre, la Golf Sports Van All-Star suréquipée est à 300 euros par mois, entretien et garantie inclus. Location longue durée 37 mois, 30 000 km, premier rapport de 2257 euros. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank, détails sur volkswagen.fr. Bonjour, c'est Christophe Beaugrand. Je vous donne rendez-vous pour fêter avec moi la 10e saison de Secret Story. Et la voix vous a réservé des surprises gigantesques. Mais je n'ai pas le droit de vous en dire plus. C'est tout pour le moment. Secret Story, l'hebdo, présenté par Christophe Beaugrand, tous les jeudis à 20h55, en direct sur NT1. Leclerc. Ça, c'est un bon plan. Le faux filet de bœuf charolais de 200 grammes à griller à 3,70€ chez Leclerc. Du 31 août au 2 septembre, le très bon plan Leclerc, c'est le faux filet de bœuf charolais 3 étoiles à griller de 200 grammes, origine France, à 3,70€, soit 18,50€ le kilo. Inutile de résister. Du faux filet comme ça, à ce prix-là, c'est que chez Leclerc. Hit it. Elle le regarde, il la regarde. Ce soir, pour Rémi, le temps s'est arrêté. En face de celle qu'il aime, il se dit qu'il a de la chance. Il faut dire que... L'Allemagne vient de marquer le troisième but à la dernière seconde! Ce n'est pas un hasard si vous méritez les meilleures cotes. Winamax. Étude Odoxa réalisée sur 6429 matchs. Football, tennis, rugby et basketball du 1er juillet 2015 au 16 février 2016. Numéro 1 pour 73% des cotes relevées. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Et on retrouve Paul qui court avec son chien. Oui, ils portent des chaussures de running Equiden Active. Avec leur concept d'amorti au niveau du talon, ces chaussures permettent à Paul de se donner à fond. Oui, d'ailleurs, son chien peine à suivre, hein, il tire la langue. Ah non, ce n'est pas joli joli de tirer la langue à son maître. Chez Decathlon jusqu'au 24 septembre, la rentrée à petit prix joue les prolongations. Avec les chaussures Equiden Active Trail de Kalenji à seulement 29,99€. Décathlon, à fond la forme. Liste des magasins participants sur decathlon.fr. Je suis le dressing de chez Castorama. Et avec tous mes copains du rayon rangement, nous encourageons tous ceux qui ont des idées à aller jusqu'au bout de leur projet. Pas vrai les amis? Oui! Alors ça tombe bien, parce que demain et jusqu'à dimanche, Castorama vous offre 15% de remise sur les dressings, les portes de placard, les boîtes de rangement et accessoires de penderie. Oh, ça y est, je sens que je vous donne déjà envie de ranger. Hors commande et promotions en cours, voire conditions en magasin et sur castorama.fr, liste et horaires des magasins ouverts ce dimanche sur notre site. Intersport. Paul, quand on aura des enfants, tu crois qu'ils feront du sport le mercredi? Ah ouais, notre garçon fera de la natation. Notre fille. Garçon. Chez Intersport, le maillot pour fille est à 15,99€. Bon d'accord, une fille. Voilà. En ce moment, chez Intersport, le maillot de bain une pièce fille Speedo est à 15,99€ au lieu de 25,99€, soit 38% de réduction. Intersport, le sport commence ici. Offre valable sur la référence 533 à 715 dans la limite des stocks disponibles. Conditions, date et liste des magasins participants sur intersport.fr. Je sais pas chez vous, mais chez nous, les vacances, on en profite même avec un petit budget. Resto les pieds dans l'eau et activité à gogo. Et à la rentrée, on reste sur notre lancée. Économie et bon moment en famille. En ce moment, chez SFR, la fibre est à seulement 19,99€ par mois pendant un an, puis 44,98€ avec en plus la première ligue et la Liga portugaise en exclus sur SFR Sport. Enfin la fibre avec plus que la fibre. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre fibre starter soumise à condition d'éligibilité. Réservé aux nouveaux clients jusqu'au 3 octobre. Location box plus 5€ par mois. Frais d'ouverture de service 29€. Engagement 12 mois. Détails sur sfr.fr. Une rentrée cool pour Darty, c'est accéder à toute innovation sur sa box internet avec une assistance de jour comme de nuit. Et si en plus on est récompensé, il n'y a pas plus cool comme rentrée. Du 17 août au 24 septembre chez Darty, la B-Box Miami de Bouygues Télécom avec Android TV et tous les services exclusifs Darty inclus est à 14,99€ par mois pendant un an au lieu de 26,99€. En plus, Darty vous offre une carte cadeau de 100€. Engagement 12 mois, location box 3€ par mois, offre soumise à conditions et éligibilité. Carte cadeau utilisable jusqu'au 15 avril 2017 dans les magasins Darty hors Darty.com. La super rentrée Carrefour Market. Tiens, vous portez une cape aujourd'hui. C'est pour la super rentrée Carrefour Market, Michel. Jusqu'au 2 octobre, à vous les super pouvoirs, les promos incroyables. Des super pouvoirs? Oui, en exclusivité chez Carrefour Market, vous pouvez collectionner 16 figurines de vos héros Marvel préférés, comme Spider-Man, Iron Man ou Captain America. Une figurine vous est remise en caisse par tranche de 30€ d'achat. Ah, vous serez toujours mon super héros. Carrefour Market. Offre soumise à conditions. Modalités et magasins participants sur carrefourmarket.fr. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. Avec dans 5 minutes, 1 500€ à gagner, encore deux gagnants déjà. On a déjà offert 3 000€ ce matin, c'est pas mal. Hein. Nanterre, c'est tombé chez Stéphane. Amiens, c'est tombé chez Aurélie. Aurélie qui doit être dans la voiture en train d'amener les enfants à l'école. J'espère qu'ils sont arrivés parce que là, t'es en retard. Hein. Oui, oui, oui. Ah ouais, 8h28, t'es en retard. L'invité mystère à découvrir tout de suite sur Skyrock. Attention, attention, l'iPhone 6S a gagné. L'invité mystère. What? Et ouais, l'invité mystère, on vous a fait écouter sa voix. Il faut nous dire qui est l'invité mystère. Il a l'air d'être en pleine forme ce matin, ça fait plaisir. Ça va bien. Avec un peu de chance, il va nous montrer sa bite. Enfin, c'est une de ses spécialités. Hein. Oui. Eh oui, je sais. Voulez-vous coucher avec moi ce soir, j'ai l'émission, malheureusement. Ouais, c'est, malheureusement, ce soir, on fait un rallye. Ouais, on sera pas dispo. Bon, l'invité mystère est Anthony en direct de Nantes avec nous. Salut Anto. Ouais, salut, comment ça va? Ça va bien, salut, Anthony. Salut. 30 ans Nantais, tu fais quoi dans la vie, Anthony? Eh ben, je suis dans l'intérim. T'es dans l'intérim, très bien. Et tu bosses dans quoi dans l'intérim? Là, dans l'agroalimentaire. Dans l'agroalimentaire, mais l'agro comme Cédric ou pas? Ben, évidemment. Ah ouais. Petite blague qui ne fait jamais de mal. Hein. L'invité mystère, tu l'as reconnu, c'est? Ouais, Justin Bieber. Justin Bieber. Yes. Et oui, c'est lui. Tiens, on va écouter ce morceau dans un instant. On va s'y passer, j'aime bien ça. Justin Bieber et DJ Snake. Justin Bieber, notre invité mystère. Bien joué. Tu viens de gagner ton iPhone 6S. Anthony. Yeah, bien joué. c'est cool. Eh ben oui, c'est cool. Un iPhone 6S comme ça en te réveillant le matin sur Skyrock. Bravo, bravo. On t'envoie ça très très vite à Nantes. T'es au courant des dernières frasques, c'est comme ça qu'on dit, frasques, de Justin Bieber cet été? Il a montré son kiki. À croire qu'il faisait un petit concours avec Orlando Bloom, parce que Orlando Bloom montrait son kiki aussi. Ouais, Orlando Bloom a fait du paddle avec Katy Perry, sa meuf. Oui. Katy Perry a été assise à l'avant et lui, il était derrière avec Sarah, mais le sgay galère. Voilà. Alors, qui a la plus grosse, Romano, toi qui es un spécialiste? Ben, non, parce que celle d'Orlando Bloom, j'ai vu la photo, mais qu'avec le petit cache sur le zizi. Le floutage, mais le floutage est bien assez long, je trouve. Ah, donc tu penses qu'Orlando Bloom, c'est pas mal? Non, moi je dirais que c'est Justin la plus grosse. Ouais, bravo Cariole, bravo. Justin a la plus grosse. J'ai regardé les floutages. Mais Just... après, dit full. Oui, bien sûr. Évidemment. Oui, évidemment, ouais. Justin qui a plein de problèmes de cul, hein, que ce soit avec son sgeg, que ses fesses aussi. Que les paparazzi prennent en photo. Ouais, là, il y a deux jours, il s'est énervé, il a montré son cul son à des cul, paparazzi. Ouais, qui a un beau cul d'ailleurs aussi. Hein. Ah, mais dis donc. Ouais, mais il est pas mal en grandissant. Justin a du succès maintenant. Bah oui, maintenant il est grand, Justin Bieber. Hein. Oui, c'est vrai qu'on l'a connu, il avait 15 ans, c'était un peu jeune. Ouais, ouais, ouais. Bon, à 19 ans, il était. Pris en sextape, vous savez, par une fille qui l'avait payé. Ouais. Il l'avait payé. Elle avait pris une petite, elle avait fait une petite vidéo de Justin Bieber en train de faire l'amour. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Ah oui, il sort avec Sofia Richie, la fille de Lionel Richie. Ouais, c'est vrai. Et la fille de Lionel Richie et Justin Bieber ont été pris en plein préliminaire par des paparazzi encore. Ah bah voilà, ah très bah. Bien. N'empêche que si t'es paparazzi et que tu suis Justin Bieber, tu rigoles. Ah bah il y a de l'actu. Hein. Ah bah il y a de l'actu. Puis c'est YouPorn sa vie à Justin Bieber. Bieber, hein. Bon, tout va bien, non, il s'est bien éclaté tout l'été. Et puis il a sorti le son qu'on va écouter dans un instant, Let Me Love You, avec DJ Snake. Ouais. Il y a un autre son d'ailleurs qui tourne sur Skyrock, c'est Coldwater. C'est avec Major Lazer, on l'a mis tout à l'heure, ouais. C'est ça. Et dans un instant, c'est donc Let Me Love You qu'on écoute sur Skyrock. Bravo Anthony. Ouais, merci, ciao, merci. Tu pourras dire que t'as gagné sur Skyrock ce matin grâce à Justin Bieber, et ça c'est la classe. Ouais, hein. Ouais. Bravo Anton, salut tous les Nantais. Il fait beau à Nantes ce matin? Oui, il fait beau. Hein. Ouais, comme partout, ouais, il fait beau. Ouais. Ouais, aujourd'hui, belle journée de rentrée, avec plein de soleil. Pff, ça te donne envie d'aller en cours, hein. T'y vas plus toi non plus, mais moi, on aura envie de me retrouver dans une salle de classe. Ah ouais, ça nous manque. Ah ouais, grave. Salut Anton, bonne journée à toi. Merci, ciao. Ciao. Salut. Et dans un instant, bonne journée à vous. Et avec un chèque de 1 500 €, la journée démarre bien. C'est peut-être pour vous, on vous appelle dans un instant pour vous demander quelle est votre radio préférée. Vous répondez Skyrock et c'est dans la poche. Après Rémi et les infos, on fait le point sur l'actu à 8h32. L'actu, le sport, mais d'abord la météo et donc du soleil. Eh ben oui, du soleil partout, aussi bien à Nantes qu'ailleurs. On a quelques petits nuages très discrets de la Bretagne à la frontière belge sur l'Atlantique et les Pyrénées, avec un risque d'orage, c'est vrai, dans l'après-midi au niveau des Alpes, donc dans le sud-est. Les températures en hausse ce matin, entre 17 et 23 degrés, 17 à Paris et jusqu'à 29 à Perpignan, de 25 à 34 cet après-midi. Et puis la pollution avec des indices compris entre 4 et 6, 6 à Montpellier, Nice et Besançon. Les conseils pas chers arrivent, comment gagner de l'argent grâce au foot. Et puis on parlera aussi des kilos qu'on a pris, ou moi ça va, hein, parce que toujours sportif, tout ça. Mais les kilos que vous avez peut-être pris pendant les vacances, ce sera avant 9h du matin. Et puis notre horoscope de l'amour qu'on n'oublie pas. Mais d'abord les infos et le sport. Le sac à dos, le cartable, check. Les fringots top, check. Les retrouver avec, check. Le travail, un peu moins de chèques. Ça y est, la rentrée est faite. 12 millions d'élèves de la maternelle à la terminale ont repris le chemin des salles de classe. Ils sont accueillis par les 860 000 enseignants qui ont tout préparé hier, tout préparé ou presque, car la fameuse réforme du collège reste encore un petit peu floue. La pratique de l'anglais commence désormais au CP, non plus au CE1, et la deuxième langue vivante s'apprendra dès la cinquième au lieu de la quatrième. En revanche, la vraie nouveauté vient de l'EPI, comprenez enseignement pratique interdisciplinaire. Il sera décliné en 8 thèmes, de la sécurité à la culture, en passant par la citoyenneté, le monde économique et la société. Voilà qui fait bondir les syndicats, vent debout contre la réforme depuis des mois. Un appel à la grève a été lancé pour jeudi prochain. Un enseignant qui tente de s'immoler par le feu, ça s'est passé hier dans la salle des profs d'un lycée près de Rouen en Seine-Maritime. L'individu s'est aspergé de gasoil et comptait se transformer en torche humaine à l'aide d'un briquet. Il a été sauvé in extremis par un de ses collègues qui passait par là. On ignore les motivations de son geste. Situation très tendue au Gabon après la réélection du président Bongo. La capitale Libreville est à feu et à sang. L'assemblée a été incendiée. Le QG de l'opposant, Jean Ping, aurait été pris pour cible. Deux morts déjà apparemment dans des heurts. La victoire du président sortant se joue à moins de 6000 voix d'écart. La France et l'Union Européenne se disent préoccupées et demandent la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. Il y a le mur des lamentations, le mur de la honte et voilà maintenant le mur de Trump. Le candidat républicain à la Maison Blanche s'est rendu au Mexique. Le milliardaire qui aime montrer les muscles habituellement a tout de même eu une petite perte de courage. Il n'a pas évoqué le fameux prix du mur sur place mais n'a pas manqué d'en parler quelques heures plus tard à peine 2 heures après, hein, de retour sur le sol américain, en Arizona pour être précis. Il a affirmé que les Mexicains paieront pour la construction, mais qu'ils ne le savent pas encore. Voilà, facture estimée 25 milliards de dollars pour ce mur qui ferait 3000 km de long. Tu aimerais avoir les mêmes cheveux que Donald Trump, Romano? C'est mon rêve. Oui, c'est magnifique. Hein. Des cheveux orange comme ça. Ouais, orange, couleur paille. En plus, ce mec est con parce que l'histoire du mur, s'il fait le mur sur la frontière américaine, il y a un fleuve. Ce qui veut dire que les pêcheurs américains, ils pourront plus pêcher dans le fleuve. Ah, peut-être qu'il fera de l'autre côté du fleuve. De l'autre côté du fleuve, mais c'est les Mexicains. Ah oui, mais ils sont fiches. Donald Trump. Ah, puis il veut virer 11 millions de sans-papiers aussi. Très bien, il est super ce garçon. La suite, on fait le sport. Ouais, Varane qui se confine, blessure l'a éloigné des terrains pendant l'Euro. C'est donc avec la pêche, la Grinta, hein, que Raphaël Varane fait son retour en bleu ce soir. Il endossera le brassard de capitaine en l'absence d'Hugo Lloris. Le défenseur du Real assure que les Bleus ont digéré leur titre de vice-champion d'Europe et qu'ils sont résolument tournés vers le Mondial 2018. Concernant l'équipe, il estime qu'elle est encore en train de mûrir avec beaucoup de potentiel. Il est persuadé que tout le monde a bien travaillé, que les hommes de Deschamps sont tous prêts physiquement. On aura un premier aperçu ce soir en match amical contre l'Italie. On a hâte et on suivra tout ça dès 21h dans la Radio Libre avec le coup d'envoi. Oui. Le mercato qui s'est achevé cette nuit à minuit, deux gros dossiers à retenir. Mario Balotelli qui arrive à Nice et quitte donc Liverpool alors que David Luiz s'en va du PSG pour rejoindre Chelsea. Et puis du tennis avec l'US Open de New York, ça passe pour Monfils. Tsonga qualifié aussi pour le troisième tour. Fin de parcours en revanche pour Benoît Paire qui s'incline face à Marcos Baghdatis. Merci Rémi pour les infos, il est 8h36 sur Sky. En direct de l'appart, c'est le morning de Default sur Skyrock. The morning show. Et oui, on n'arrête pas de vous le dire, bonne rentrée, mais la rentrée, ça a du bon. Regardez, on vous offre 1 500 € depuis lundi, toutes les demi-heures, et c'est déjà tombé deux fois aujourd'hui, dis donc. Et c'est pas fini. À Nanterre dans le 92, bravo à Stéphane. À Amiens dans le 80, bravo à Aurélie. À Aurélie qui rentrait avec les enfants. Et on voulait saluer Elisa. Tiens, Elisa du 17 qui nous a laissé un message. Elle a 18 ans. Elle nous dit je suis en fac et je commence aussi aujourd'hui. Et ouais, c'est vrai que parfois la fac, ça te permet de démarrer beaucoup beaucoup plus tard. Mais pas pour toi, Elisa. Non, c'est pas de bol. Et puis on salue le français portugais. Il a 12 ans. Il nous dit je reprends demain. Alors je peux vous écouter aujourd'hui, mais tu pourras nous écouter demain au réveil. Hein. Ah bah profite. Et bah ouais, profite. Mais en fait, c'est vrai, tu peux te faire toutes les missions aujourd'hui. Salut le français portugais, bon courage et bonne journée à tous les mécaniciens et dépanneurs de Quimper, parce qu'on pense aussi à ceux qui vont pas au bahut et à ceux qui vont bosser. Ça c'est le message de Plaisir. Salut à toi Plaisir. Et puis ben, bonne chance à vous tous pour les 1 500 €. Au programme, les conseils pas chers, c'est à 8h40 dans quelques minutes sur Skyrock. Ouais, je vais faire dans le football. Oui, le football peut permettre de gagner de l'argent, même quand t'es pas joueur. Hein. Ouais. Et puis dans un quart d'heure, tiens, on continuera à parler football. La compile du jour. Vous avez pris du poids pendant les vacances. Tiens, dites-nous combien vous avez pris pendant les vacances. Là. Laissez-nous vos messages, 41759 ou alors sur l'appli Skyrock, vous nous envoyez tout ça. Qui a pris du poids pendant les vacances? Cédric, t'as perdu 1 kg pendant les vacances. Ouais. C'est bien, bravo, pas félicitations. Pas mal, merci. Carriole, t'as pris du poids pendant les vacances. Non, j'en ai perdu, moi. T'as perdu du poids pendant les vacances. Wow, vous avez vu l'équipe de rêve que vous avez en face. Ah ouais, merde. On a fait attention. Romano, j'ai vu ton petit ventre. J'ai maigri. Hein. Oh, t'as maigri. Non, mais tout le monde m'a dit. Mais t'as maigri, mais tout le monde se fout de ta gueule, c'est pas. Mais non, mais en Italie, on était là. Magra. Il est tout maigre avec un petit bide, vous savez, le petit bide du biéreux. C'est mignon, je trouve. Oui, c'est mignon, hein, c'est confortable. Non, mais l'été, je l'avais moins. En fait, je bouffe comme un veau depuis qu'on est rentré. Ah ouais, donc en fait, Romano a pris des kilos pendant les vacances, mais après les vacances. Ouais, parce que cet été, je mangeais beaucoup de poisson. Ah oui, le poisson, ça fait maigrir. Hein. Ouais, c'est vrai. Dites-nous si vous avez pris du poids pendant les vacances, que vous avez bouffé, en gros. Et bien, on fera la compile des footballeurs qui ont pris beaucoup, beaucoup de poids pendant les vacances. Ah, même les sportifs, hein, ça grossit. Ah bah ouais, ils arrêtent de faire du sport pendant les vacances et brrrt, ils gonflent. Bah ouais. Bon, compile du jour, c'est à 8h50. L'horoscope juste avant et les conseils pas chers dans un instant, mais tout de suite, 1 500 € à gagner. Si ton téléphone sonne, réponds Skyrock. Localisation du gagnant des 1 500 €. Alors, pour localiser le gagnant, Romano, faut ouvrir l'enveloppe, vas-y. Alors, l'enveloppe. Ouvre l'enveloppe. J'ouvre. Oui, inscrivez-vous au 7-20-20. Vous envoyez 1 500 au 7-20-20 si vous voulez augmenter vos chances de gagner. On tire ou sur les inscriptions, c'est l'huissier qui s'en occupe. Ou alors dans l'annuaire pour permettre même aux feignants de gagner 1 500 €. Alors attention, c'est à Nicolas quelque part en France. Ah, tous les Nicolas qui écoutent Skyrock doivent être au taquet là maintenant. Si vous êtes dans le 49 et que vous appelez Nicolas, on se rapproche. Et le si vous êtes 49, à Angers. Le Maine-et-Loire, Angers. Et Nicolas Cormier, eh bien c'est lui qu'on appelle tout de suite. Eh bien bonne chance à Nicolas Cormier. On va voir s'il se réveille avec Skyrock le matin. Pour l'instant, ça s'est bien passé. Hein. Je vous disais, deux gagnants déjà depuis 6 heures. Toutes les demi-heures sur Skyrock, 1 500 € à gagner. Dès qu'on vous appelle, vous répondez Skyrock et c'est dans la poche. Ouais. Quand on vous demande quelle est votre radio préférée, c'est bon signe. Quatrième sonnerie, non? Ouais, ben là, il faut répondre maintenant. C'est la cinquième, là. Ça y est, c'est la cinquième. Et c'est la cinquième. Désolé pour Nicolas Cormier, on en a même laissé 6 parce qu'on est bien bon, c'est la rentrée. Hein. Ouais. Bon, désolé pour Nicolas, il gagnera pas les 1 500 €. Par contre, c'est tombé deux fois ce matin et c'est pas fini. Répondez Skyrock, bah oui, on vous offre 1 500 € toutes les demi-heures, tous les matins sur Sky. Et inscrivez-vous, 1 500 au 7 20 20. Il arrête pas, Romano, mais t'as toqué de ça. Non, mais il faut s'inscrire. Bon, et dans un instant, les conseils pas chers. Ouais. On parle encore d'argent. Et de football. Et de football. Le foot peut permettre de gagner des sous. Démonstration, bah, juste après Justin Bieber, on avait promis. Justin Bieber, avec le son de DJ Snake tout de suite. Let me love you, à 8h40 sur Skyrock. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. Say go through the darkest of days. Having to heartbreak away. Never let you go. Never let me down. Oh, it's been a hell of a ride. Driving the edge of a knife. Never let you go. Never let me down. Don't you give up. Nah, nah, nah. I won't give up. Nah, nah, nah. Let me love you. Tout à l'heure, Justin Bieber et DJ Snake, Let Me Love You à 8h43 sur Skyrock. Et l'heure des conseils pas chers a sonné. Vous avez fait les pronostics tout à l'heure pour Italie-France. Vous êtes 75% à penser que la France va gagner. Optimiste pour le match de ce soir là. Mmh. Ce soir en direct sur Skyrock, en direct de Bari, on suivra le match de Calcio. Ah, Calcio. Ouais, Calcio. C'est football. Ah, voilà, très bien. Je traduis pour Cédric qui ne comprenait absolument rien. Ah, je comprenais pas là. Calcio, tu comprenais pas? Non. C'est le mot italien pour dire football. Et testa di cazzo, tu connais ça? Ouais, ça, ça c'est un peu ta gueule ça. Non, pas du tout, Cédric. C'est ta tête, je te jure. Non, tête de bite, ça veut dire. Oui, bien joué, Cédric. Tête de bite, ça veut dire. Et Cornuto. Cornuto. Tu chercheras et puis tu nous diras. Voilà, Cornuto. C'est un compliment. Ah, cocu. Oui. Ouais. Bravo, Cédric. Et Raffanculo. Ça, tu connais. Ça, c'est votre bon, après ce petit cours d'italien, bah ouais, c'est la rentrée. Hein. Bah, je connais un autre, Stronzo. Stronzo, oui. Ouais, ouais. C'est connard, en gros. Ouais, voilà. Bien joué. 8h44, les conseils pas chers, tout de suite. Cristiano Ronaldo gagne 2 € par seconde. Romano sera-t-il plus fort que lui ce matin? 2 € par seconde, t'aimes oh, bien, hein. Ah ouais, c'est bon, ça. Alors, essaye de faire plus fort Cristiano Ronaldo. Bon. 2 euros par seconde, ça va pas être facile, hein. Ah bah là, ça va être encore plus rapide, puisque ce matin, direction les familles, je vais leur proposer une petite pizza. Ah, à l'occasion du match de foot, ouais, parce que pendant les matchs, on... Ah bah les jours de match, les ventes de pizzas s'envolent. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Ceux qui livrent des pizzas sont au courant. Si vous livrez des pizzas, le jour de match, vous bossez comme des fous. Hein. Bah peut-être que ça, vous allez bouffer une pizza avec des potes, avec la famille, devant le match de foot. Ouais, en écoutant Skyrock. Évidemment, en écoutant la radio libre. Voilà. Toute l'équipe qui commentera avec brio, on peut le dire, le match de foot Italie-France. Et en plus, ce soir, il y a le problème du mois, c'est le moment où vous vomirez peut-être votre pizza. Ah oui, c'est vrai. Retour du problème du mois. Bah on est jeudi. Allez, c'est parti. Bon, allez, c'est parti, envoyez-moi du client là. Allez, on va chez Serge. Serge, livraison de pizza. Bah, je vais faire Pizzeria Romano. Hein. Bah, oui, attends. Bah, attends, jour de Italie-France en plus. Pizzeria Romano. Non, parce que si vous allez en Italie, des Pizzeria Romano, il y en a partout. Ah, bah, j'ai tout, il y a tout Romano. Oui. Allô ? Allô, bonjour, Serge. C'est la Pizzeria Romano, Serge. Qu'est-ce qui se passe, Serge ? Il a imité le cheval. Serge, ça va ? Amène-lui du foin, lui. Serge, je vais t'amener une pizza au foin. Oui. Pizza au foin. Magnifique, ça. Avec quelques boules de mozzarella posées dessus. Ça va être magnifique. Serge. Oui. Donc ce soir, tu vas regarder le match France-Italie, Italie-France. Oui, pourquoi ? Eh ben voilà, je t'amène la pizza, je te l'amène dès ce matin, il n'y aura plus qu'à la passer un petit coup au four. Pizza au foin avec mozzarella, c'est pas cher, c'est 15 euros. Je suis là dans 5 minutes. Non, merci. Ah bah si, t'as dit oui, c'est trop tard. Hein. Non. Moi je suis... Attends, moi je suis huissier de justice, j'ai bien noté, tu as dit oui. Oui, t'as dit oui, donc maintenant c'est il faut payer. Oui. Ah, tu as redit oui, j'ai renoté. Je suis là dans 5-10 minutes chez toi, je t'amène la pizza. Vous restez à la porte. Hein. Ah non, je m'en fous, moi je la glisse en dessous. Hein. Ouais. Dans la boîte aux lettres. Ouais, dans la boîte aux lettres, sinon je la mets ou je la jette par la fenêtre. Ouais, j'ai un fusil là. Ah bah écoute, le fusil tu me le montreras. Ouais. Ah bah j'arrive alors. A tout de suite, 15 euros pour la pizza. Il est fort ce Romain. Allez, bande de... Bande de rigolo, vous êtes à foutre, vous... Ah, attendez, moi je travaille, Pizzeria Romano à votre service. Hein. Ouais, qu'est-ce que c'est que ça, les Romano, là? Les Romano, c'est des Romanichel pour moi. Bon. Eh ben oui, je fais des pizzas dans ma caravane. Ouais, voilà. Bon, vous fermez la porte. Ah ben, j'adore, et on joue de la guitare. Voilà, puis vous attendez que les cigales chantent. Voilà, ben elles chantent déjà ce matin, elles n'arrêtent pas. Bon, ben j'arrive avec ma caravane, ma guitare et ma pizza. Oui, ben vous pouvez repasser. C'est dans une autre rue, pas chez moi. Non, allez, je passe chez pas vous. À faire. Je repasse tout de suite. Oui, ben vous restez à la porte. Sortez le fusil. Sors le fusil, Serge. A tout de suite. Eh bien, bravo. Hein, voilà. Le coup de fusil, c'était pas prévu dans les conseils. Et la pizza au foin non plus. Mais bon. Alors, un coup de fusil, une pizza au foin, c'est vrai. Avec quelques boules de mozzarella, mais il faut être original. Hein. Oui, c'est bien. Il imite très bien le cheval en tout cas. Ah ouais, magnifique. Ça fait un bruit au début. C'est Monsieur Cheval que vous avez eu au téléphone. Il a un bruit dégueulasse. On va chez qui ? Là, on va chez Philippe. Philippe. Oui, allô ? Oui, bonjour, c'est Philippe. Oui ? Oui, Pizzeria Romano à l'appareil. Je vous appelais pour la commande de pizza que vous avez faite. La commande de pizza ? Eh ben oui, il y a le match de foot ce soir, Italie-France. Une petite pizza pour regarder le match, c'est parfait ça. Ah non, ben non, j'ai rien fait. Ah si, vous avez commandé 3 pizzas, il y en a pour 90 euros. Ça va ? Ah, c'est des pizzas de luxe. Hein. On sait se faire plaisir, c'est pour vous dire que j'arrive dans 10 minutes, moi. Ben, moi j'ai rien commandé. Ah ben, il va falloir les payer, hein. Moi j'ai vos coordonnées, j'ai tout. Hein. Des coordonnées ? Mais je veux dire, qui sait, vous avez une preuve de comme quoi j'ai commandé ? Ah ben, j'ai une preuve, je suis avec mon avocat, huissier de justice et juge. Oui. Ah, j'ai entendu rigoler. Non, mais ça, c'est une amie à nous qui est ivre. Ouais, elle est ivre morte. Ouais, elle a bu du limoncello toute la journée, elle est complètement bourrée. Ah ouais. Bon, ben, je passe dans 10 minutes avec la petite camionnette. Non, mais le problème, c'est qu'on s'en va. Hein. Ah ben, il faut m'attendre. Sinon vous mettez les billets sous le paillasson et les pizzas je les mets dans la boîte aux lettres, je les plie en 4. Je les mettrai dans une enveloppe. Oh non mais. Et par contre j'ai toujours pas reconnu parce que la dernière il a eu du mal à reconnaître. Ah non mais je viens, de toute façon tu vas me reconnaître hein, quand je serai en face. Je suis complètement chauve. Chauve, oui, c'est horrible, je sais. Oui. Horrible. Mais je fais des très belles pizzas. C'est dans le four à pizza, ça a grillé. Il a grillé les cheveux. J'ai mis trop la tête dedans, c'est pas bon. Ouais, pour voir si la pizza était bien bonne, mais elle sera bien bonne. Ah ouais. Là, parce que je reconnais pas le. Ah ben, tu vas me reconnaître, on arrive là. Dans 10 minutes. Non, mais c'est vrai qu'on s'en va, là. Il y a le sac à dos, il y a tout, hein. Ah ben oui, mais il faut m'attendre 2 minutes. Hein. Pas grave, t'as une boîte aux lettres. Oui, il y a une boîte aux lettres. Ah ben, voilà, je mets dedans. La pizza sera dedans ce soir. Eh ben voilà, nickel pour le match. Donc 90 euros, tu me laisses ça ? À tout à l'heure. Merci. Ben, le problème, c'est que je regarde pas le foot, moi. Ah bah tu les mangeras devant autre chose, hein, tu sais. Oui, <c'est pas> tu les mangeras ou un prochain truc, quoi. Bon, bah je t'embrasse, Philippe, et à tout à l'heure. À tout de suite. Salut, Fifi. Pizzeria Romano te salue, hein, bisous. Ciao. Arrivederci. Oh, ciao. Bravo, mais quel italien. Baci, baci, baci, baci, bello. Baci, baci, c'est des bisous, bisous. Oui, oui, c'est ça. Bon, bah voilà, 90 euros les trois pizzas. Tu te fais pas chier, toi, dis-moi. Ah, bah c'est la livraison, hein. Ah, ouais, la livraison. Les jours de forte affluence, c'est plus cher. Bah oui. Bon, bah bonne pizza ce soir. Bon match ce soir. On va parler dans un instant des prises de poids pendant les vacances. Ah, vous nous avez laissé plein de messages. Eh, si je fais l'addition de tous les kilos que vous avez pris, on va arriver à plusieurs tonnes, là, hein, parce que j'ai le message d'Astrobal qui a pris 4 kilos. Le message de Lutèce qui a pris au moins 10 kilos. Lutèce, 20 ans de Paris. 10 kilos pendant les vacances, pas mal. Mon ange, 27 ans. Moi, j'ai pris 4 kilos. Ah ouais, Théo, du 77, il a 14 ans. Et il a pris 3 kilos pendant les vacances. Waouh! Et c'est du lourd, tout ça. Hein. Ah, bah, ça a bien bouffé. La compile du jour. Et pour vous faire décomplexer, vous allez voir que les footballeurs prennent plein de kilos aussi. Compile du jour qui arrive, l'horoscope dans une minute. Grand volume intérieur, détecteur de fatigue, GPS. Oh, j'adore. Et totalement connecté. Je crois que je vais vous la prendre. Ah ouais, en revanche, ça va pas être possible. Et pourquoi ça? Parce que je l'ai vu le premier, en fait. Non, mais c'est... Là, c'est vous le vendeur, là. Oh, ça va. Difficile de résister. En septembre, l'Apollo All-Star suréquipé est à 140 euros par mois, entretien et garantie inclus. Location longue durée 37 mois, 30 000 km, premier rapport de 1606 euros. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank, détails sur volkswagen.fr. Chez Intermarché, c'est reparti pour un tour avec le carburant à prix coûtant pour une rentrée qui roule jusqu'à samedi. Le carburant à prix coûtant, c'est chez Intermarché. Dépêchez-vous! Intermarché, tous unis contre la vie chère. Modalité magasin participant sur intermarché.com. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Dis donc, la rentrée est à moins 50% chez But. Mais ils font pas les choses à moitié. Je viens de te dire le contraire, elle est à moins 50% la rentrée. Non mais c'est une expression, c'est comme couper les cheveux en quatre. C'est pas une expression, c'est mathématique. C'est la rentrée no stress chez But. En ce moment, profitez de moins 50% sur de nombreux produits. Oui, jusqu'à moins 50%. But, c'est nous. Produits et réductions signalés en magasin et sur but.fr. Et à 8h51, l'horoscope de l'amour, c'est parti. Vas-tu avoir une bonne note ce matin? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Et on va commencer par la puissance amoureuse de zéro, hein. Des cancers et des sagittaires. Vous avez 0 sur 5 aujourd'hui. Célibataire, attention, ne soyez pas trop secret et secrète aujourd'hui. Mettez-vous plus en avant, ça vous profitera. Et si vous êtes en couple, votre partenaire prendra un petit peu ses distances avec vous. Mais pas de panique, c'est pour mieux revenir vers vous ensuite. Sagittaire, cancer, 0. Ouais. 1 sur 5, les vierges et les scorpions. Évitez de vous mêler des embrouilles sentimentales des autres aujourd'hui. Sinon, ça risque de vous retomber dessus, hein. Comme on dit, chacun sa merde. Hein. Voilà, c'est ça. 2 sur 5, les lions et les verseaux, ne dépensez pas trop pour plaire aujourd'hui. Si on vous aime, c'est pour ce que vous êtes. 3 sur 5, les béliers et les balances, on recherchera vos compagnies. Profitez-en, bélier balance. 4 sur 5, les gémeaux et les poissons, votre confiance en vous vous rendra très très attirant et attirante aujourd'hui et accentuera même votre charme naturel. Les gémeaux et les poissons, vous avez 4. Et 5 sur 5, les meilleurs du jour, les taureaux et les capricornes. Mais comme toi, dit Foul. En effet, on a 5, les taureaux et les capricornes, deux signes de terre qui atteindront le 7e ciel. Gnou, gnou, gnou, gnou, gnou. Je suis tellement ému que j'en bégaye. Ah oui. Une journée qui va nous faire kiffer. Capricorne, taureau, les meilleurs du jour. Et dans un instant, les kilos en trop. Oh, si vous avez pris des kilos, hein, stressez pas, vous n'êtes pas tout seul. Hein, j'ai vu les messages là, attention. Hein. Et la compile des footballeurs qui ont pris du poids. Après, Ken Jones, qu'on écoute tout de suite, c'est Don't Mind, un des cartons de l'été sur Skyrock. She telling me this, and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go, you know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go, you know I love them all. African American, for sure. I told her, baby, come and ride the rodeo. Every time I come around, man, I go for broke. She give me desktop till I overload. Now, baby, you gon' go where you're supposed to go. Cause I ain't got time for you every day. She said she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, fuck he gon' say, hey. Telling me this, and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me, to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, ma da. And she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, ma da. And she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She from Africa. But she fuck me like she Haitian. Ass black, but the eyes looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape. She on candy camera. Okay, see, I forgot we met at Oklahoma. I used to smoke Regina. She from Arizona. Then I met a girl in Cali. I never disown her. She got that high grade. Her weed come with diplomas. I want her. But she keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me, to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, ma da. And she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, ma da. And she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, ma da. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, ma da. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. Sur Skyrock, Ken Jones et Don't Mind. Bon réveil, bonne journée, bon courage si vous êtes dans les bouchons. Et merci de vous réveiller avec Skyrock. Vous vous réveillez tous les matins avec Sky, ça fait plaisir. Oui. Et on vous a fait plaisir ce matin, on vous a offert de l'argent. De l'argent chez Stéphane, à Nanterre, chez Aurélie, à Amiens. Inscrivez-vous au 720. D'ailleurs, le 720 qui va vous servir aussi à vous inscrire pour la roulette. Ouais. Oui. Alors, pour gagner les 1500 euros, vous envoyez 1500. Et pour gagner la roulette avec Maître Gims, vous envoyez roulette. C'est tout simple. Au 720 aussi. Ouais, bah vous envoyez maintenant parce qu'on va faire tourner la roulette dans moins de 10 minutes sur Skyrock. Inscription pour aller voir Maître Gims, la tournée Skyrock de Maître Gims, à pas louper évidemment. Et puis pour aller le voir gratuit, c'est encore mieux. Hein. Mm-hmm. On fait la compile du jour maintenant. Allez, c'est parti. La compile du morning de Default sur Skyrock. Et la compile qui concerne le poids qu'on a pris pendant les vacances. Dans l'équipe, on n'a pas trop pris, je trouve. Non. C'est bien. Bon, après, ouais, c'est bizarre que Cédric n'ait pas pris parce que bon, avec. Bah, tu vas me dire, t'avais déjà pris avant, toi. T'avais, ouais. t'avais pris des avances, Cédric. J'ai anticipé, moi. Non, mais t'es quand même dilaté physiquement. Oui. Ouais, quand je te vois, ça va, ça me rassure. Alors, j'ai pris 1,750 g de muscles. Wow. Ah, c'est Alan qui se la pète. Moi, j'ai mangé comme un morphal en Écosse. Ah, tu dis pas le nombre de kilos que t'as pris, c'est Toto du 69. Ah bah tiens, il y a Kelly, elle, c'est le contraire. Elle a perdu 4 kilos en 2 semaines. Bravo Kelly, félicitations. Mais il faut quand même se nourrir un petit peu. Ah oui, hein. Bah, oui, oui, oui. Moi, j'ai pris 8 kilos pendant les vacances à cause de la bière. Mais t'as bu combien de litres de bière? Ah ouais. C'est Mortal qui nous laisse un message. Salut à toi, Mortal. Ah ouais, 10 kilos pendant les vacances, c'est pas mal. T'es un des meilleurs là pour l'instant. Hein. Félicitations à toi, Mortal. Alors, la compile des footballeurs qui ont pris du poids pendant les vacances. Ouais. Vous avez pas vu certains joueurs? T'as des joueurs, tu les prends avant les vacances, tu les prends après les vacances, t'as l'impression que c'est plus les mêmes. Mais qui, par exemple? Eh ben justement, c'est l'heure de la compile du jour. La compile du jour, là-dedans, là. Celui qu'on a classé numéro 3. Tu connais Gonzalo Higuain, Cariol? Bien sûr, évidemment. Eh ben c'est lui. Numéro 3. Numéro 3, Gonzalo Higuain. Un des transferts de l'année, 120 millions le transfert, Gonzalo Higuain. Ah, mais c'est le transfert le plus cher. Ouais, c'est ça. Il est passé de Naples à la Juventus de Turin. Ouais, ben je sais. Et il a pris 6 kilos pendant les vacances. On va vous mettre les photos avant, après. On va faire comme dans le téléachat, vous savez. Ouais, ouais, ouais. Les photos avant, après. Après, 6 kilos pendant les vacances. Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Gonzalo Higuain. Félicitations. Attention, on passe maintenant au numéro 2. Numéro 2. Numéro 2, c'est Atem Ben Arfa. Alors lui aussi, Atem Ben Arfa, il a pris du poids. Hein. D'ailleurs, écoutez David Luiz dans les vestiaires avec Atem Ben Arfa. Il est là. Le premier pour manger, il est là. Et le premier pour le manger. C'est le premier pour le manger. Il a très faim. Alors lui, je sais pas combien de kilos il a pris, mais ça se voit, Ben Arfa. Mais il a pris plutôt du muscle, Atem Ben Arfa, là. Ah. Numéro 2 du classement, le nouveau parisien, l'ancien niçois, Atem Ben Arfa. Et comme le dit donc David Luiz, Atem aux entraînements, c'est le dernier. Mais pour manger, c'est le premier. Ah et ben attention, voici le number one. Numéro 1. Numéro 1, Karim Benzema. Ah ouais? Chaque été, il prend du poids. Mais il y a l'autre, sinon, là, Dimitri Payet, lui, il a gonflé aussi. Hein, ouais. Dimitri Payet aussi, ouais. Ah, tu regardes les photos d'il y a 3-4 ans, hein, le mec, il a doublé de volume. Karim Ben Arfa, alors lui, c'est... Benzema. Ah oui, Karim Benzema. Chaque été, lui, il prend entre 5 et 8 kilos. Ah ouais, quand même, ouais. Bravo, Karim. Bravo. Bah, il profite bien de ses étés, a priori. Ah ouais, il profite bien de ses étés. Ah, il en bouffe. Il bouffe. Entre 5 et 8 kilos, même s'il a pris un peu moins cet été. Mais il mérite le titre de numéro 1 de la compile du jour. Les footballeurs prennent du poids. Non, sinon, il y avait Cassano, je sais pas si vous le connaissez, c'est un Italien. Qui lui revenait avec 10 kilos. Ah ouais, quand même. Il avait même pris 10 kilos en une semaine de vacances il y a quelques années. Il avait joué au Real de Madrid, Cassano. Bah, en même temps, si il est passé l'été en Italie, les Italiens ils bouffent quand même. Hein. Ouais, tu passes l'été à bouffer. Ah, il faut suivre le rythme quand même. Ils s'en mettent, mais plein la gueule. Quoi. Ton idole, Wayne Rooney aussi. Magnifique, quelle beauté. Ouais, 3 kilos il prend chaque été, là, ouais. Wayne Rooney. Et des cheveux en plus. Et Ronaldinho, le Ronaldinho, lui il avait débarqué à Milan en 2009 et il avait pris 6 kilos en trop. Ah ouais, quand même. Voilà, donc Romano, tu vois, avec ton petit bidon, c'est pas grave. Non. Non mais c'est bon, j'ai pas pris 10 kilos. Hein. Non mais c'est pas grave, à Cariole. Non, c'est très mignon, moi je trouve. C'est mignon, c'est mignon. 1m54, 70 kilos, oui, il est magnifique. Non mais je fais pas 70 kilos, va te faire mettre. On te pèsera ce soir. Ah bah tu peux me peser, je fais pas 70 kilos. Hein. T'as vu, les gens qui prennent du poids sont agressifs quand Ouais, t'as vu. Hein. Et Higuain, le transfert c'est 95 millions d'euros, hein, parce qu'on a dit que c'était plus. Ouais, je crois que c'était plus que ça, moi, dis donc. Non, non, a priori, il y en a plusieurs. Il y a Lucas 59, il y a paramédic. On n'est pas à un million près. Non. Allez, dans un instant sur Skyrock, il y a le Zap du Morning qui arrive et puis votre roulette qui va tourner. Maître Gims, vous envoyez roulette au 7-20-20 et ça tourne sur Sky. Ouais. Géant. Ce sont toujours les jours imbattables chez Géant. Jusqu'à dimanche dans votre Géant, bénéficiez d'une réduction de 40% sous forme de bon d'achat sur le smartphone Motorola 4G noir avec accessoire Bluetooth Moto Stream à 149€, soit un bon d'achat de 59,60€. Les prix bas, c'est Géant. Bon d'achat valable sur l'ensemble du magasin du 5 au 11 septembre. Je sais pas chez vous, mais chez nous, pendant les vacances, on a tout partagé. Même la fumée du barbecue du voisin. C'était quand même chouette. Alors à la rentrée, on continue de tout partager. Mais surtout les gigas de nos forfaits. Avec SFR Family, partagez les 40 gigas de votre forfait Power Family avec les membres de votre famille sur leur ligne Starter Mini à partir de 99 centimes par mois pendant un an, puis 5,99€ par mois. Enfin une offre avec plus que des gigas. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre valable jusqu'au 3 octobre pour les clients box multipack avec engagement, un forfait Power Family et un Starter Mini 100 mégas. Prix sans mobile, engagement 12 mois, conditions sur sfr.fr. La rentrée chez Intermarché, c'est reparti pour un tour avec le carburant à prix coûtant pour une rentrée qui roule jusqu'à samedi. Le carburant à prix coûtant, c'est chez Intermarché. Dépêchez-vous! Intermarché, tous unis contre la vie chère. Modalité et magasin participants sur intermarché.com. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Je suis le dressing de chez Castorama. Et avec tous mes copains du rayon rangement, nous encourageons tous ceux qui ont des idées à aller jusqu'au bout de leur projet. Pas vrai, les amis? Oui! Alors, ça tombe bien, parce que demain et jusqu'à dimanche, Castorama vous offre 15% de remise sur les dressings, les portes de placard, les boîtes de rangement et accessoires de penderie. Oh, ça y est, je sens que je vous donne déjà envie de ranger. Hors commande et promotions en cours, voir conditions en magasin et sur castorama.fr, liste et horaire des magasins ouverts ce dimanche sur notre site. Ça y est, à partir d'aujourd'hui, la vie d'Antoine ne sera plus jamais la même. Submergé par l'émotion, il embrasse sa femme, sa famille, ses amis. Il était tellement heureux de la victoire de Galatasaray. Ce n'est pas un hasard si vous méritez les meilleures cotes. Winamax. Étude de Doxa réalisée sur 6429 matchs. Football, tennis, rugby et basketball du 1er juillet 2015 au 16 février 2016. Numéro 1 pour 73% des cotes relevées. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Bonne année scolaire avec Carrefour. Dis donc Zoé, c'est pas toi qui perds toujours tes bâtons de colle? Mais non, c'est Tristan, il me les pique tout le temps. Bon, t'en fais pas ma puce. Jusqu'à lundi chez Carrefour, il y a 50% d'économie sur la carte Carrefour sur le lot de 6 bâtons de colle scotch. Cool, comme ça j'aurai 6 bâtons de colle scotch rien que pour moi. Bah ouais, mais par précaution, on va quand même en prendre un lot aussi pour Tristan. Hein? Pour une bonne année scolaire avec Carrefour, jusqu'à lundi, profitez de 50% d'économie sur la carte Carrefour sur de nombreux produits, comme le lot de 6 bâtons de colle scotch. 6 x 8 grammes, modalité sur carrefour.fr. Carrefour. Dans 9h. Good morning. Baby, I like your stuff. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. street's not safe, but I never run away, even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. C'est le morning de Default sur Skyrock. Le morning qui vous réveille tous les matins, c'est sur Sky dès 6h. Il est 9h07, dernière ligne droite du morning. Avec Justine qui est avec nous en direct de Saint-Étienne. Chez c'est les Verts. C'est ta ville, Default. Chez les Verts, bah oui, je sais, c'est ma ville, Justine. Fait toujours plaisir d'avoir des Stéphanois en direct là. La vie ouais. N'est pas trop dure là-bas. Mais pourquoi elle serait dure? Non, ça va. Elle est magnifique la vie à Saint-Étienne, il fait beau. T'es à Saint-Étienne même? Non, Andrézieux. Andrézieux-Boutéon, c'est ah là bah, où il y a un aéroport. Ouais. Parce qu'on a un aéroport à Saint-Étienne avec deux vols par semaine. Mais c'est des vols importants ou? Ouais, pour la Turquie, pour le Portugal. Ah ouais, quand ça. Même. Attends, vols internationaux. Bah oui. Attends. Vous voulez me payer un voyage ou quoi? Non, on a des passes pour mettre Gilles, non. Si tu veux, par contre. Ouais, je veux bien. Ou alors tu demandes à Romano, peut-être qu'il sera généreux ce matin. Il a gagné plein d'argent de ses conseils pas chers. Ouais, voilà. J'ai entendu, ouais. Alors, Justine, t'as 19 ans, tu fais quoi dans la vie? T'es au bahut, tu bosses? Non, je bosse dans la logistique. D'accord, tu vas bosser ce matin, j'imagine. Ouais, j'y suis là. Ah, t'es déjà parti bosser. Eh ben, profite bien, c'est la roulette qui va tourner pour toi, on y va. 200 places de concert, Maître Gims. 200 places. Skyrock. Premier sur Maître Gims. Et ouais, premier sur Maître Gims. Maître Gims qui tourne dans toute la France avec Skyrock. Il passera, désolé, hein, je sais que tu es stéphanoise, mais il passera à Lyon, Maître Gims. Ouais, à Lyon, mais c'est pas grave. Il va faire un petit tour à Lyon. Oui, il n'a pas voulu aller à Saint-Etienne. Il est déjà passé à Saint-Etienne. Ah, mais oui, en plus. Attention, Justine, tu dis stop quand tu veux. Il n'y a pas de soucis. Stop. Attention, Justine. On va t'annoncer, j'espère, une bonne nouvelle, mais oui. Tu viens de gagner deux places pour aller voir Maître Gims à Lyon le 9 décembre. C'est pour toi, Justine. Bravo. La classe. Eh ben ouais, la classe. Merci, Skyrock. Ben merci à toi, Justine, de te réveiller avec nous. Tu verras ramener qui au concert de Gims? Mon chéri. Bah voilà, en amoureux. Ah bah, un petit concert sympa. Et bah ouais, voilà. 9 décembre, direction Lyon pour le concert de Gims. Et des places à gagner tout au long de la journée avec toute l'équipe de Sky. Restez bien dans le coin. Merci beaucoup. Et toi, c'est déjà fait, Justine. On te fait de gros bisous, Bosnia. Je vous adore. Et bah nous aussi, bisous, Justine. Et bon courage, bisous, ciao. Ouais, merci, ciao. Et allez les verts. Salut, Justine. Oui, voilà. Ciao, Justine. Le zap du morning, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Vous allez tout savoir. Écoutez bien. Ça s'est passé ce matin. C'est le zap du morning sur Skyrock. Dites voir, ce matin là, c'est ma rentrée scolaire, mais j'ai oublié d'acheter des affaires. Oui. Est-ce que vous pourriez me donner un stylo? Ouais. Ma gueule, là, quoi. Sinon un sac. T'as ouais, pas. Mais tu veux te donner un sac claque dans la gueule, ça continue. Non, moi je veux juste un sac. Ouais, ben je vais t'en remettre un sac, ouais. Écoute, je peux passer chez toi dans 5 minutes. Oui, ben amène-toi, tu vas voir. Et puis comme ça, tu me donneras 20 euros d'argent de poche aussi, parce que faut que je me paye un goûter. Ouais, d'accord. Donc je viens dans 5 minutes, Didier. Et ben voilà, ouais, bah, voilà. Un sac sur la gueule et une claque dans la gueule aussi. Ah bah tiens. Qui va gagner ce soir, la France ou l'Italie? Tu t'intéresses au foot, toi, Sam? Ouais. Sam, c'est les réseaux sociaux. Exactement. Hein. Très bien. Exactement. Et alors, tu t'intéresses au foot ou pas? Au foot, ouais, Paris Saint-Germain. Et ce soir. Voilà, encore un qui ne comprend rien. Vous avez vu Paris Saint-Germain. Paris. Donc, tu demandes France-Italie, on te répond Paris Saint-Germain. Pour fêter France-Italie, on a décidé de mettre Paul Pogba en contact avec les Français. Ouais. On est sympa, hein? Oui, oui. Ouais. Vous êtes qui? Je suis la pioche. Vous fichez du monde ou quoi? C'est la pioche. vous voulez que je vais déposer plainte à la gendarmerie, voilà, hein? Ça y est, l'objectif atteint. Ça m'intéresse pas. Vous arrêtez parce que sinon, moi, j'appelle les gendarmes. Voilà. Encore un rêve qui, encore mon rêve qui se réalise. Hein. Et bah ouais. Ah bah, vous me laissez tranquille. Voilà. Au revoir. Au revoir. C'était un plaisir. Mais un plaisir. Ah bah oui, ça c'est clair. Plaisir, pas forcément réciproque. Un plaisir. Elle est super, la femme, à Patrick. Ah, pourquoi vous m'appelez? J'appelle la police. Voilà, direct, elle appelle la police. Le mot le plus long de la langue française. Anticonstitutionnellement. Vas-y, on va le refaire. Redis. Anticonstitutionnellement. Anticonstitutionnellement. Stéphane, on est en direct à la radio ce matin. Oui. Et on t'appelle pour t'offrir 1500 euros. C'est sérieux? Sérieux, tout le temps très sérieux. Ah, sérieux, voilà, on rigole plus. Je prends ma voix sérieuse. Stéphane, quelle est ta radio préférée? Genre, c'est Skyrock. Genre c'est Skyrock, mais je crois que genre c'est bon. Hein. Ah bah genre c'est gagné. Eh bah c'est gagné, 1500 eh, bravo, euros Stéphane. Bravo Stéphane. Bravo. Je crois pas mais ok. Nous c'est la radio, téléphone Aurélie. Oui. On est en direct dans toute la France. Oui, je vous entends. Oui. Et on t'appelle pour t'offrir 1500 euros Aurélie, on a 1500 euros pour toi. Il faut me dire quelle est ta radio préférée. Skyrock. Et tu as la bonne, t'as gagné 1500 euros Aurélie. Bravo. Et oui, 1500 euros pour Aurélie, pour Stéphane et peut-être pour vous. Demain, toutes les demi-heures, 1500 euros à gagner. Soyez là dès 6h pour le réveil du morning. Oui. Passez une bonne journée, profitez bien. Fredo est là en plus pour vous. Je suis là, je suis là. Passez une belle matinée. Bonjour Fredo. Bonjour, comment ça va? Ça va, ça va. Ça va bien. Qu'est-ce qui vous arrive? Non, mais c'est Difool, il est malade, il me fait chier. Qu'est-ce qui se passe, Difool? Bah, c'est la clim, Fredo. Ah oui, c'est ça, oui, j'entends ta voix. Bah oui, c'est le nez, tu renifles. J'ai le nez bouché. Non, vous savez, je sais ce que c'est, les problèmes de nez. Ah, toi aussi, Fredo. Hein. Ah, c'est vrai que t'es équipé, ouais. Ouais. C'est vrai, ouais. On a testé la clim de Skyrock, elle est super. Ah ouais, pour tomber malade, idéal. C'est la seule clim qui en une heure passe de 30 degrés. Oui, c'est ça le problème. À 20 degrés. Une heure après, elle remonte à 25. C'est après, elle redescend à 15. En fait, tu sais jamais quand t'arrives quelle température tu vas avoir. Oui, c'est ça. Tu sais pas si c'est une surprise. Soit tu viens en slip, en caleçon. Oui. Soit tu es obligé de mettre la doudoune. Voilà. La rentrée démarre bien. En tout cas, il va faire beau aujourd'hui, hein. Profitez du soleil. Oui. Bonne rentrée à ceux qui feront leur rentrée, dans une heure. Je sais qu'il y en a qui rentrent dans une heure, qui nous envoyaient des messages ce matin et hier soir. Bon courage à ceux qui bossent. Ouais, il y en a qui rentrent cet après-midi. Bon courage à ceux qui bossent. Et puis pour vous aider à passer une belle journée, Fredo, c'est parti pour le son de Sky. Je suis prêt. Est-ce que vous avez mis le nouveau son de Black Eyed Peas? Eh bien non, on attendait que t'arrives pour l'écouter. On t'a réservé la nouveauté. On m'a réservé la nouveauté, le nouveau son de Black Eyed Peas qui s'appelle Where Is the Love. Oh, comme leur ancien Black Eyed Peas. Ouais, c'est un peu un remix de ce morceau, mais ils sont plein dessus. Hein. Vous avez entendu le tracklist qui est dessus? Oui, j'ai vu. Il y a Mary J, Didi, Jamie Foxx, Nicole Scherzinger, Jesse J, French Montana, Usher, Justin Timberlake, A$AP Rocky, Nicole Scherzinger. DJ Khaled, on l'a dit aussi. Ouais, DJ Khaled aussi. Et voilà, on a tout le monde. Et Jimmy Foxx. Et Jaden Smith. Jimmy Foxx, c'est le seul invité de la Radio Libre qui était venu en costume. Quelle classe. Ah ouais, la classe. Ouais, il est beau en tout cas, lui. Ah, hein. Il est beau. Hein, ah, est beau, moi hein. J'adore. Bah ouais, c'est parti. C'est... Cariole, détends-toi, tout va bien. Ouais, détends-toi, on rentre ensemble. Je suis pas Jimmy Fox. Tu vas rentrer avec Romano, tu rentres pas avec Jimmy Fox. Je casse un peu le délire là. C'est pas le même, ouais. Ce soir à 21h, on est de retour avec la radio libre et le match de foot Italie-France à suivre demain matin pour le morning dès 6h. On compte sur vous. Inscrivez-vous au 720, envoyez 1500 si vous voulez qu'on vous appelle pour les 1500 €. Augmentez vos chances de gagner. C'est facile. 1500 au 720. Et puis Fredo, tout de suite, pour le son de Skyrock, la première radio urbaine mondiale. C'est parti. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, à tout à l'heure. À toutes. Oui. C'est parti pour le son de Skyrock à 9h15. Et bon courage. Vous êtes plus de 12 millions à faire votre entrée aujourd'hui. Donc bon courage à vous tous. Je sais pas à quelle heure ce sera. Si c'est déjà aussi commencé pour vous, en tout cas, bienvenue pour vous détendre un petit peu avec le son de Skyrock. Rap R&B non-stop. On parlait avec Default du nouveau son de Black Eyed Peas. Il s'appelle Where is the Love. On l'écoutera d'ici quelques minutes sur Skyrock. Mais pour débuter cette heure musicale sur Skyrock, ou pratiquement, c'est Major Lazer maintenant avec Justin Bieber. Emo, l'artiste, compositeur, interprète danoise. Voici le titre Cold Water. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own.

tell us what the hell is going on? Can't we all just get along? Father, Father, Father, help us. Need some guidance from above. 'Cause people got me questioning. Where's the love? It just ain't the same, always a change. Where's the love? New days are strange, just the world insane. Where's the love? Nation dropping bombs, killing our little ones. Where's the love? Ongoing suffering as we die young. Where's the love when a child gets murdered or a cop gets knocked down? Black lives, not now. Everybody matter to me. All racist. You don't like what I'm saying? Hater raid, tall cases. Everybody hates somebody. Guess we all racist. Black Eyed Peas do a song about love and y'all hate this. All these protests with different color faces. We was all born with a heart. Why we gotta chase it? And every time I look around, every time I look up, every time I look down, no one's on the common ground. And if you never speak truth, then you never know what love sounds. Where's the love? And if you never know love, then you never know God. Where's the love? Where's the love, y'all? I don't know. Where's the truth, y'all? I don't know. People killing, people dying, children hurting, you hear them crying. Could you practice what you preach? Would you turn the other cheek? Is the key. Where is the love? Love is the answer. Where's the love? Love is the solution. Where's the love? Where's the love? They don't want us to love. Where's the love? Love is powerful. Where's the love? Where's the love? My mama asked me why I never vote. 'Cause policemen want me dead and gone. That election looking like a joke. And the weed man still selling dope. Somebody gotta give these niggas hope. All he ever wanted was a smoke. Said he can't breathe with his hands in the air. Waiting on the ground, died from a choke. I feel the weight of the world on my shoulder. As I'm getting older, y'all, people get colder. Most of us only care about money making. Selfishness got us following the wrong direction. Wrong information always shown by the media. Negative images, it's the main criteria. Infecting the young minds faster than bacteria. Kids wanna act like what they see in the cinemas. What happened to the love and the values of humanity? To the love and the fairness and equality. Where's the love? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Where's the love? Lack of understanding leading us away from unity. Where's Les Black Eyed Peas sont de retour, ils sont bien entourés, hein. Il y a du monde avec eux sur ce morceau qui est un petit peu le remix de Where is the Love, hein, le premier gros carton des Black Eyed Peas en 2003. Sur ce morceau, on retrouvait Mary J. Blige, il y a Didi qui était présent dessus, Jamie Foxx, Nicole Scherzinger des Pussycat Dolls, également The Game, Jessie J, Justin Timberlake, Ty Dolla Sign, Usher, DJ Khaled, ASAP Rocky. C'est le morceau qu'on écoute à l'instant, Where is the Love, le remix, et tous les fonds d'ailleurs de ce morceau, hein, puisque c'est il y a un but aussi derrière ce morceau, iront aux victimes aux États-Unis des violences policières. C'est ce qui est annoncé. Will.i.am, Black Eyed Peas qu'on écoute à l'instant sur Skyrock. Je vous le repasserai dans la matinée entre 9h et midi. Et le son, ça continue sur Skyrock avec le escroc. J'aurais pas dû tout de suite. Le diable me remet dans le mal et veut que je l'emmène en bas afin de fumer la White Widow. Elle dit qu'elle veut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné, maintenant je bade. Mais c'était pas la White Widow. Fais du mal à ma petite bouche. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes fous. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes fous. Je sais que je vais recommencer. Pourtant c'est fou comme on s'aime. Je sais que je vais recommencer. Quand. Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas afin de fumer la White Widow. Elle dit qu'elle veut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné, maintenant je bade. Mais c'était pas la White Widow.

came for, such don't stop. I ain't got the move, I can sit and watch. In a fantasy, this plain to see, this how it be, burn me. Backstroke and sweat soaking all into my set sheets. It's ready to ride, I'm ready to roll. I'll be in this bitch till the club close. Watching her do a thing on all fours. Now that this shit begins to low. From side to side, let the ride. Break it down, down, down. Know I like when you hike. Break it